donc un peu les filles. Allez, ouvrez. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr et dans l'émission Johnny de A à Z avec ce soir une émission spéciale Johnny Hallyday 1972 que j'ai le plaisir de vous proposer avec de nombreuses participations. On se retrouve une fois de plus avec Jean-François Chenu et Jean-François Brieux. Bonjour messieurs. Salut, bonjour, salut tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour une émission sur un livre-disque de Johnny Hallyday et on va parler aujourd'hui de l'album Country Folk Rock, le nouveau mix, le nouveau mixage 2025. Oui, le nouveau livre-disque de la collection. Exactement, aussi. Après les années 68, on plonge dans les années 70 avec cette petite merveille qui était un peu passée inaperçue à l'époque, il faut dire ce qui est, de Country Folk Rock. Oui, tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai que c'est un album intéressant qui, effectivement, qui n'a pas eu un énorme succès. Pas eu de succès du tout. Mais qui ont peu été repris, qui ont été repris dans les années immédiatement après. Mais je vois pas de titres qui ont vraiment été égrenés au fil des décennies qui viennent de cette période-là. Aucun. Voilà, aucun. À part le single qui était sorti, Comme si je devais mourir demain, qu'il a chanté. Ouais. Plusieurs fois en tournée, en gala et tout ça. Puis la tournée du Johnny Circus, bien sûr. Oui, mais depuis. Mais après. Effectivement, ça fait partie de ses albums en creux. En plus, il est entre deux monstres, il faut dire. Oui, il y avait le gros monstre, le raz-de-marée de 71, Flagrant Délit, le 45 tours Hommage au Lissara, et sûr. Aussi le live au Palais des Sports de 71. Au Palais des Sports, puis après, un an après, t'es à Solitude. Et en plus, il avait fort à faire. Mais c'est un album, c'est très curieux l'histoire de cet album, parce qu'en fait. Contrairement à un Flagrant Délit qui a été booké en 15 jours, 3 semaines à Londres, c'est l'enregistrement de Country Folk Rock qui s'étale sur près d'un an. Puisque, en fait, il y a eu plein d'indices qui nous ont un peu. Qui ont attiré un peu notre attention sur cet album qu'il est en train de faire. Et le premier indice dont je me souviens, c'est en juin 71, donc un an avant la sortie. Il rentre des États-Unis, il était parti faire un petit voyage dans la famille de Tommy, où Reichenbach l'avait suivi, etc. Et il répond à Jean-Bernard Hébé, qui l'interviewe sur RTL. Et Jean-Bernard Hébé, il veut d'abord lui faire parler de Flagrant Délit, qui cartonne, qui a un succès, que tout le monde apprécie, et qui va être la base du show qu'il va donner au Palais des Sports deux mois après, en septembre. Il me vient très bien que Johnny lui a répondu que Flagrant Délit c'était du passé, il l'avait enregistré, il ne se retournait jamais sur son passé, et que là il rentrait des États-Unis et qu'il avait enregistré des trucs formidables pour son prochain album. Hébé était un peu quoi parce que ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait, et puis après il l'a relancé sur Flagrant Délit. Mais déjà Johnny était passé sur la suite et donc sur ce projet d'album qui a commencé à naître en 71 aux États-Unis à Los Angeles. Accueillons dès à présent Xavier Perrault, le chef de projet du catalogue Universal, Johnny Hallyday. Bonjour Xavier, merci encore de participer à l'émission Johnny de A à Z. Et avec plaisir Eric. Et toujours de partager avec nous un peu l'histoire des albums, l'histoire de ces livres-disques qui apparaissent chaque année. Ça fait 10 ans, le premier volume est sorti en 2014, c'était Hollywood, donc ça fait 10 ans qu'on réédite des albums de Johnny comme ça. L'intérêt étant de pouvoir mettre vraiment un focus sur l'album, sur l'année, et puis de retravailler les sons avec l'idée que, en fait, Johnny, lui, cherchait un son quand il allait enregistrer en Angleterre, aux États-Unis, et même par la suite, il cherchait vraiment un son, une énergie. C'est Hollywood qui nous a fait découvrir ça, qui avait été enregistré à Los Angeles avec la crème des musiciens, réalisé par Bob Margoulef, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Steve Wonder, avec tout un tas de gens extrêmement célèbres. Et à l'écoute des mises à plat qu'on avait fait des bandes multi, j'étais dit, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dans cet album, alors que quand on écoute le mix final qui a été utilisé pour l'album, en fait, on a, pour résumer un petit peu la chose de façon simple, la voix de Johnny devant et tous les musiciens, les instruments rangés derrière. Mmh. Ce qui est un peu dommage. Je trouve qu'on perdait un petit peu des tas de choses en termes de couleurs musicales, en termes de feeling. Et donc, c'est de là qu'est partie cette idée. Et voilà, maintenant, ça fait plus de 10 ans. Et donc, on s'attaque à Country Folk Rock. Country Folk Rock qui sortira le nouveau livre disque le 28 mars 2025 avec ce soir plusieurs extraits de ce livre disque. 13 extraits à peu près. Ça porte bonheur, 13 extraits. Oui, oui, ça a porté bonheur. Voici tout de suite Tomber c'est facile, nouveau mix. Hey babe, dans tes amours, ne prends-tu jamais le temps en chemin de penser que tu vas trop loin. Arrête-toi. Tu ne fais que ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi on sait que tu n'en manques pas. Et tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. L'amour comme un refrain te prend. Ne crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Oui, tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras, ouais. Toi tu veux de tout, tu te traînes dans la boue. Tu ne vis que pour la chair et c'est tout. Et si quelqu'un veut te garder, toi tu ne fais que passer. L'abandonnant tout comme un chien et sûr de toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Oh, tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Oui, tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Surf sur la vague, Johnny, en 71. Mais ne regarde pas en arrière, va toujours vers l'avant, va toujours voir un peu l'horizon ou quoi. Après Flagrant délit, il a presque aussitôt enchaîné avec sur l'album de 72. Bah, Flagrant délit, il s'est sorti au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus trop, de 71. Et il a surtout enchaîné avec le Palais des Sports. Et la tournée qui a suivi derrière. Entre-temps, il va aux États-Unis, il fait ses bases orchestres là, avec des musiciens formidables, et il est très content de ce qu'il a fait. Mais il y a une rencontre déterminante qui va complètement modifier le projet. Est-ce que c'est ce projet, justement, cette rencontre avec Mallory qui va donner cette couleur à cet album country folk rock? À l'évidence. Oui, oui, non. Enfin, dans la mesure où les enregistrements américains sont avant la rencontre. Tout à fait. Au Wally Studio, justement, ouais, à Los Angeles. C'est compliqué. Et puis, c'est un album, alors quand on fait son boulot de journaliste, on se rend compte qu'il y a énormément, sur cette année 72, d'erreurs. Recopier de bouquin en bouquin, et notamment certains mettent les enregistrements de américains au début de 72, alors que comme le disait Jean-François, c'est bien plus tôt. Mais c'est vrai que Mallory, bon, alors, d'ailleurs il ouvre l'album en fait, avec y a la pas confusion de c'est que c'est il va poser sa voix bien plus tard sur ces enregistrements américains. Absolument. Et c'est de là, je pense, que viennent les confusions dans les dates. Mais après, on va oublier, si tu veux, après cette interview, on est vraiment dans le Palais des Sports, on est vraiment dans le live qui sort, comme tu dis, qui est un superbe live. Et puis, c'est le mois de mars où les choses vont commencer à revenir un petit peu sur le devant, sur ce projet. Et une des... Encore une fois, c'est des petits indices, toi. Et je me souviens très bien, tu dois t'en souvenir, il y avait sur Europe 1 une émission qui s'appelait Carré Bleu, qui était animée par Jacques Paoli, qui avait succédé dans la tranche horaire de Salut les copains. Et je me souviens très bien qu'au début mars, j'étais en voiture, dans la 4L familiale, et j'ai avenue Henri Martin, et j'écoutais l'émission, et le mec nous dit, je vais vous faire écouter le nouveau single de Johnny. Donc évidemment, hyper impatient, parce qu'on sortait de Flagrant Délit, on sortait de trucs formidables. Et là, on découvre le single qui va sortir, qui sortira le 15 mars, je crois, à peu près, et on entend Comme si je devais mourir demain. Et moi, j'ai été un peu atterré, je ne te cache pas que quand j'ai entendu ça, je me suis dit... C'est quand même un énorme bond vers autre chose. Bon, on n'est plus dans la variété. Oui, même réaction, je me souviens très bien. Et donc le single sort. Alors, il y a la phase B, Hello US USA, moi je préfère, mais qui est plus sympa à écouter, qui est une musique qui va servir pour le film de Reichenbach. Parce que l'année 72, elle est d'une richesse absolument incroyable. Tout ce qui s'est passé, on va y revenir progressivement, mais c'est incroyable. Et tu as, heureusement, quelques jours après, je crois que c'était le 18 mars, à la télévision, son top, le top de Johnny, son top annuel. Et là, tu entends des morceaux de ce futur album et il attaque le top par Rien ne vaut cette fille-là. Alors tout de suite, là, ça plaît, là, ça plaît beaucoup plus. On est... Donc, et dans cette émission, on va aussi découvrir ce titre qui est la clé de beaucoup de choses, qui est Sauvez-moi. Sauvez-moi, puisque c'est, et tu peux le raconter probablement mieux que moi, c'est la rencontre avec Michel Mallory. Oui, et tout débute avec ce titre. Avec Mallory, oui, effectivement. L'adaptation. Cette fameuse mélodie américaine qui vole d'auteur en auteur, et tout le monde se casse la figure, tout le monde la montre à Johnny. Johnny, non, ça va pas. J'aime bien la mélodie, je suis accroché, mais ça va pas, ça raconte rien, c'est ça. Et puis, ça tombe chez Mallory, qui l'amène chez Johnny, et là, Johnny dit, ouais. Je prends, c'est la bonne. Et si tu as autre chose à me montrer dans la foulée, je veux bien écouter. Et voilà. Et encore, là, quand on écoute la version originale Salvation du groupe Rosebud, c'est une chanson qui est assez décousue, qui n'est pas du tout dans le même rythme que la version de Johnny Hallyday, et que je préfère largement la version que donne Johnny à celle du mix original de Rosebud. Alors, moi je l'aime beaucoup aussi. Mais ils sont très différents. Ils sont très différents. Ils sont un peu décousus. C'est New Orleans, un peu bourlingueur. Ouais. Et très sympa, je trouve. Pour ce groupe que je parie, je ne connais pas. Mais on le connaît, ce groupe, grâce à ce titre, à Salvation. et là, donc on est au mois de mars. On entend ces titres. Et on est évidemment impatient de voir cet album arriver. Parce qu'on dit effectivement, il y a des choses qu'il a enregistrées, notamment avec les musiciens américains, qui sont intéressantes. Mais on va attendre longtemps. Parce qu'on va attendre le mois de juin. Entre le mois de mars, avril, mai, il prépare son Johnny Circus, il fait plein de choses. Hein. Il nous a quand même, cette année-là, gratifié d'un roman photo. Jolies vacances pour Johnny, en télépoche, remarquable. Il lance une ligne de vêtements avec Natalie Portman, des jeans avec des barres de couleurs. Là. J'ai revu les visuels là, hier. Il va aller à Cannes. Pour l'aventure, c'est l'aventure. Il lance une maison de disques. Enfin, il va lancer son label H. C'est assez intéressant d'ailleurs que Michel Mallory nous en parle, parce que c'est une expérience qui n'a pas duré longtemps, mais qui a permis en tout cas, entre autres à Mallory, de sortir quelques 45 tours, et à Nanette Workman aussi. Et à Marc Benoît qui c'est un des auteurs. Voilà, et Jacques Ploquin aussi l'année suivante, un de ses cuivres. Donc, on va arriver au 18 juin, où là, deuxième single, « Rien ne vaut cette fille-là ». Alors, deux titres formidables, « Rien ne vaut cette fille-là », et puis « Toi, tu voles l'amour », le titre de Gary Wright qui est sur cet album. Et ce 45 tours n'a pas marché du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ouais, il est resté au bas du classement des hit-parades. Mais, enfin, moi, je trouve que c'est un super 45 tours, que les deux titres sont formidables. Et l'album sort le 28 juin. Belle date, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, c'est une très belle date. J'avais 19 ans. L'album sort. Joli cadeau. Et là, moi, j'ai un choc, c'est la cover. Quand je vois ce Johnny... hyper maquillé avec cette chemise colorée, je suis un peu étonné, pour porter un album qui s'appelle Country, Folk et Rock. Mais bon. C'est pas du tout représentatif, justement, de la couleur de l'album. Peu importe, on l'achète, évidemment, on sort le vinyle, on l'écoute, et c'est un super album. Il y a des choses extraordinaires qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez Johnny. C'est vraiment intéressant. C'est qu'il y a des compliqué, contradictoire, mais intéressant. Oui. Xavier Perrault, comment se déroule la production autour de l'album 1972 et détaille-nous les séances d'enregistrement. C'est un gros morceau, 1972, non ? Alors, c'est un morceau compliqué. À la base, comme ça, Country Folk Rock ne présente pas de difficultés, a priori, pas plus que Flagrant Délit qui est sorti juste avant. Exactement, a priori, mais en fait, non. A priori, non. Ce n'est qu'un a priori, parce qu'en réalité, il est beaucoup plus compliqué. Autant, donc, Flagrant Délit avait été enregistré en très peu de temps. Quand on discute avec Philippe Labro, il explique clairement qu'il est parti à Londres pour une quinzaine de jours, intensifs, complètement dingue. Il est sorti de là-dedans, il était complètement lessivé. Mais ça s'est fait très vite. Et l'album est d'un seul trait, d'une seule couleur musicale. Et arrive Country Folk Rock. Et Country Folk Rock, en fait, c'est tout l'inverse. Country Folk Rock, l'enregistrement de cet album, c'est en presque sur un an. Il a démarré, en fait, dès la fin de l'enregistrement de Flagrant Délit. Johnny est parti aux États-Unis l'été 71. Notamment, François Reichenbach filmait des images pour son film J'ai tout donné, qui allait paraître l'année suivante. Donc, il fallait que Johnny soit aux USA. Et Johnny va s'arrêter à Los Angeles, où il va enregistrer au Wally Eder Studio de Los Angeles. Il existe deux studios à cette époque, Wally Eder Studio, il y en a deux. Mm-hmm. C'est celui de Los Angeles où Johnny s'arrête. Et il va enregistrer là-bas avec la crème des musiciens américains, parce que il y a là-bas la bassiste qui joue sur ces sessions-là, le batteur, ce sont des batteurs qui vont faire des séances extrêmement nombreuses et importantes dans l'histoire de la musique américaine et de la pop américaine. Oui, il y avait Earl Palmer et puis Tommy Brown. Alors, Tommy Brown, lui, c'est l'anglais qu'on connaît, c'est voilà, pas lui, exactement. Mais c'est Palmer, oui. Et puis la bassiste Carole Kay, oui. Qui est elle aussi une bassiste qui a joué avec vraiment, mais énormément de grands artistes américains. Et donc, il fait une séance là-bas, qui est la première fois, en fait, qui est la première séance vraiment importante que Johnny fait aux États-Unis depuis celle qu'il avait fait à Nashville quand il avait signé chez Philips en 62 et en 63. Donc, c'est pas anodin que Johnny enregistre à nouveau aux États-Unis à ce moment-là. Je pense que de plus en plus, le temps aidant, il regardait du côté de l'Amérique. Quand on écoute un petit peu Flagrant Délit qui vient de sortir juste avant, bah déjà, on est dans un rock, un album très estonien. Alors, les Rolling Stones, soit, sont anglais, mais leur approche de la musique, elle est quand même très marquée par le blues, le rhythm and blues américain. Pour Johnny, on voit déjà que le cap est un peu mis sur les États-Unis, même s'il n'y est pas encore. Il regarde clairement dans cette direction-là. Mmh. Donc là, il a la possibilité de faire des séances. Il ne va pas s'en priver. Il va faire des séances donc, au Wally Eder Studio. Et on est en l'été 71. Voilà, entre juin, juillet. J'ai retrouvé, moi, l'ingénieur du son qui a travaillé sur ces séances. Le problème, c'est qu'il n'a plus le souvenir de tout ça. Mais il se souvient que Johnny a fait ces séances-là. Ce sont principalement des basses orchestres qui ont été faites là-bas. Mmh. Il a pu poser des voix, mais il n'y avait pas de texte, donc ça devait peut-être être du yaourt, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'avait pas les textes des chansons à ce moment-là. Et puis ensuite, donc, il va revenir en France pour ses obligations diverses, et il va y avoir une seconde période d'enregistrement qui va se situer à la fin de l'année 71. Alors, hiver 71, hiver 72, c'est-à-dire fin d'année 71, début 72. C'est le moment où il va rencontrer Michel Mallory, qui va donc lui apporter des chansons, qui va venir collaborer pour la première fois avec Johnny pour l'adaptation de Salvation, Sauvez-moi. Et là va démarrer une collaboration dont on aura l'occasion de reparler parce qu'elle est très importante et ô combien fructueuse. Et donc, il va faire quelques séances à Fremontel. Alors, Fremontel, c'est un studio en Normandie que vient de créer Jacques Dangean. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des enregistrements de fait là-bas. Donc, Johnny, il va, par amitié pour Jacques, parce que c'est quelqu'un avec qui il a déjà travaillé par le passé, c'est, à Jacques Dangean, c'est un musicien, un arrangeur, un réalisateur qui a déjà travaillé avec Johnny, ils se connaissent. On va dire que Johnny lui fait plaisir. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, Johnny ait vraiment l'idée, la volonté d'enregistrer des choses à Fremontel. C'est plus pour... voilà, faire quelques maquettes peut-être, oui. Mais en fait il se trouve que ça va être plus que ça. C'est de là que vont sortir notamment les deux premiers titres de l'album, qui sortent de Country Folk Rock, font partie des séances de Fremontel. C'est l'ingénieur du son Didier Perrier qui me l'a confirmé, et lui avait enregistré plus de titres que ça. Il m'a dit texto avoir apporté une bande à Johnny où il y avait plus de titres, mais a priori les autres titres qui figuraient sur cette bande n'ont pas été conservés et nous on n'en a pas la trace. D'accord. Voilà, la bande est restée avec Johnny et elle a jamais retrouvé les studios et on n'a pas pu l'archiver. Donc ça c'est la deuxième étape, et là déjà donc on est début d'année 72. S'ensuit toute une séance, une série d'enregistrements qui vont se faire là à Londres, et notamment, bon, bien évidemment, Olympic Sound Studio. Mmh. C'est là où Johnny va poser la grande majorité des voix de cet album. C'est là où Ralph Burnett, donc, va revenir pour adapter tout un tas de chansons que Johnny a avec lui, mais qui n'avait pas de texte français jusqu'à présent, et sur lesquels Ralph Burnett va mettre des textes en français. Mais il y a une surprise dans cette histoire de l'enregistrement de ce disque, c'est qu'on a retrouvé une bande qui n'apparaît nulle part dans les sessionographies de Johnny, qui est une bande qui est faite au Morgan Studio. Morgan Studio, c'est un studio anglais de réputation, qui n'est pas très très vieux, mais qui, quand on regarde un petit peu les musiciens, les chanteurs, les interprètes qui sont passés, il y a une belle liste de grands artistes. Et Johnny va y faire deux titres, notamment avec B.G. Cole, à la steel guitare, deux titres emblématiques de la nouvelle collaboration qu'il a démarrée avec Michel Mallory, Joe La Ville et Moi, et Ma Main au Feu. Depuis le 14 mars, vous pouvez écouter la version inédite de Joe, La Ville et Moi. Et donc, la voici dans l'émission Johnny de la Z sur RIG. On avait bien, Joe et moi, 10 $ chacun. Et l'adresse d'une ou deux filles. Dans un wagon à bestiaux, on a pris le train. Pour voir ce qu'était une ville. Pendant 2 jours en roulant, on s'est préparé, tout en se cachant sous la paille. Quand on l'a vu, ce fut comme un coup sur le nez. Elle nous a pris dans ses murailles. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se paye en arrivant. Les 10 $ n'ont pas duré plus d'un repas. Les filles avaient changé d'adresse. Joe a failli se bagarrer 2 ou 3 fois pour son accent et pour le reste. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se paye en arrivant. On avait bien, Joe et moi, 10 $ chacun, et l'adresse d'une ou deux filles. mais on n'a plus jamais retrouvé le chemin. Et on s'est noyé dans la ville, mais on n'a plus jamais retrouvé le chemin. Et on s'est perdu dans la ville. Émission spéciale sur RIG dans l'émission Johnny 2 à Z sur le nouveau livre-disque édité par Universal Music, Country Folk Rock Remixage 2025. Retrouvons à présent Laurent Guénaud, l'ingénieur du son des studios Warm Igloo. Parle-nous, Laurent, de la découverte des bandes sur lesquelles tu as travaillé, donc le nouveau mixage ainsi que donc une nouvelle lecture actuelle. En fait, le projet a beaucoup voyagé. Ouais. Donc en voyageant beaucoup, ça peut vite être un tout petit peu le bazar, gentiment le bazar, mais le bazar quand même. En plus, à l'époque, bah là, c'est du 16 pistes. Oui. Donc, bah, y a vachement plus de place qu'avant pour faire des enregistrements. Donc, on essaye des trucs, on met plein de pistes par-ci, plein de pistes par-là. Et puis après, on a échangé un petit peu là-dessus, toi et moi, hier. Mais au niveau du mixage... Pareil, je pense que cet album, là, vu que ça a été enregistré, travaillé dans le monde entier, au niveau mixage, tout devait être étalé, comme on dit, sur la console, tous les faders séparés. Et tu devais pousser du fader pour vraiment être au taquet de chez taquet. Je pense que les faders étaient vraiment montés à fond sur tous ces mixages, parce que même moi, je suis très à fond... Je suis presque obligé de préserver ce même mode d'approche, à savoir, je suis obligé, rustrement, je suis obligé de bourriner, quoi. Je suis obligé de bourriner aussi pour. Et à mon avis, à l'époque, ils ont, en 72, ils ont dû bourriner aussi. Mais voilà, il y a tellement de bons titres. Quelle est vraiment la particularité de ce mixage, de ce nouveau mixage Johnny 72? Comme je te l'ai dit, je pense qu'ils ont vraiment attaqué la console. Ils ont poussé des faders, des égaliseurs, voilà, pour faire du son, vraiment aller chercher l'énergie qu'il y avait sur les bandes. Mmh. Et l'époque voulait que la voix, que ça soit dans une belle réverb, au loin, pour donner un petit côté majestueux, pour mettre la voix dans un bon espace, et puis l'espace qui était à la mode à l'époque. Mmh. Maintenant, tout ça met beaucoup d'instruments très très lointains. C'est ça. Et tout particulièrement la voix, noyau loin. Moi, j'essaie de ramener sur l'ensemble de cet album 72 de la présence de Johnny. Ou ce côté, c'est un petit peu le travail que j'essaie de faire, malgré tout, quasiment sur chaque album, c'est de ramener le chanteur. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on oublie le phénomène de mode, et en plus, noyé dans la réverb, aujourd'hui, c'est plus à la mode de faire des lissages comme ça. Mais voilà, attraper de la proximité, de la présence... tout particulièrement du chanteur, et puis après, on va dire, broder autour de ça. Xavier, Johnny touche une nouvelle fois son rêve américain avec cet album. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, quand je parlais de ce cap sur les États-Unis vers lequel Johnny se destinait, eh ben là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, comme on le sait, Michel Mallory, lui, est un amoureux de la country, du blues, mais beaucoup de la country. Ils se diront, on le sait plus tard, enregistrer là-bas, à Nashville, etc., aller au bout de leurs rêves, j'ai envie de dire. Oui. Mais là, c'est le point de départ. Parce que les deux titres sont vraiment dans un jus pure country. D'abord, les deux versions sont vraiment magnifiques. Et on comprend, en écoutant ces deux titres, que voilà, il y a un truc, il y a une amitié et une collaboration qui est née. La rencontre avec Mallory et Johnny, et voilà, on le sait, c'est un peu, c'est presque, j'allais dire, c'est plus beau que la légende, hein, parce qu'il faut savoir que Mallory est arrivé chez Johnny pour lui faire écouter, donc pour lui donner un texte de son adaptation française de Salvation, Sauvez-moi, que il sera amené pour des raisons, voilà, c'est raconté dans l'interview qu'on a faite avec lui et qui figurera dans le coffret qui va paraître. Il raconte que donc il a fini pour arriver à, j'arrive à dire, à le convaincre, mais c'est même pas le convaincre, c'est le, parce que voilà, la discussion tourne autour de cette chanson sur le nombre de pieds. Johnny lui dit, mais il y a pas le nombre de pieds. Et Mallory lui dit, écoutez, je suis désolé, mais il y a le nombre de pieds. Et Johnny ainsi dit, non, il y a pas le nombre de pieds. Et Mallory finit par lui dire, écoutez, je vais vous la chanter. Il lui la chante, et à partir de là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer pour Johnny et pour voilà, dans ce mec qui connaît pas, qui découvre, qui vient l'embêter un matin, alors que apparemment il attendait le plombier. Voilà, il attendait le plombier, exactement. Et de ce fait, voilà, il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Mallory va enregistrer Salvation, Sauvez-moi, etc. Et donc cette amitié et cette collaboration artistique va démarrer. Et donc tous les deux ont en commun, chacun à leur façon, un rêve américain. Mmh. On voit bien que, quelque part, ce que dit le titre de l'album, Country Folk Rock, et l'intention est là. C'est-à-dire que quand on regarde à la fois donc le titre de l'album, mais aussi les trois premières chansons qui démarrent l'album, on est clairement dans cette direction-là. On rentre dedans, tout à fait. Par contre, on se rend compte après que ça ne se limite pas à de la country, à du folk ou à du rock. Mmh. On va bien au-delà. Il y a donc des titres de variété sur cet album. Il y a même cette adaptation en italien de Essayer et Dio Creo la Donna. Donc, on est très, très loin de la country, du folk et du rock. Et j'ai envie de dire, même quelque part, la pochette de l'album illustre plutôt la pochette d'un artiste de variété. Oui. Elle a un côté un petit peu propre sur elle et pas très country folk rock. Voilà. On parle de Michel Mallory, vous inquiétez pas, on va le retrouver d'ici quelques minutes, Michel Mallory, pour une interview exclusive. Mais juste avant ça, on va vous faire écouter un petit mixage. L'album Country Folk Rock fut enregistré sur multipiste 16 bandes. Vous aviez déjà apprécié le mixage progressif 4 pistes lors de l'émission Johnny 68 sur le titre Non ne me dis pas adieu. Écoutons à présent le mixage progressif sur 10 pistes du titre Tu vois ce que je veux dire, avec l'aimable autorisation de Xavier Perrault, pour vous, les auditeurs de Johnny de A à Z. Voici ce montage des pistes orchestrées pour l'émission par Laurent Guénaud, l'ingénieur du son des livres disques depuis 2014. On va écouter par ordre d'arrivée la voix de Johnny, après la guitare acoustique, suivra ensuite le piano, la basse, l'harmonica, la batterie, du moins la batterie, oui, qui est sur 4 pistes, elle, et après on entendra la guitare électronique. Voici la petite démonstration, hein, des pistes par piste sur le titre. Voyez ce que je veux dire. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'elle ne dormait plus dans mon lit, tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? Je la revois hier matin, tenant un petit peu par la main, tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? On pouvait lire dans leurs deux yeux quelque chose de très heureux. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? Je lui pose des questions, simplement elle me répond. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un de bien plus doué. Ça ne m'a pas trop affecté, car je sais depuis bien longtemps que pour une vie de perdu, il y en a 10 de retrouver. Suffit de sortir dans la rue. Sans plus attendre une belle fille douce et tendre. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'elle ne sort plus de mon lit. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu vois ce que je veux dire? Laurent Guénaud, parle-nous de quelques découvertes que tu as pu faire sur ces fameuses bandes. Et sur Maman au feu, sur cette version-là, on a la version de l'enregistrement original. C'est-à-dire la version qui est sur l'album. Ils ont découvert des nouvelles techniques à l'époque, sur les magnétos, des nouveaux magnétos. Il y avait un petit peu des pitchs, on pouvait un petit peu accélérer. Du coup, ça donnait une impression un petit peu plus réveillée, un tout petit peu plus énergique. Et sur Maman au feu, c'est ce qu'ils avaient décidé de faire à l'époque. C'était de partir de l'enregistrement au général et de pitcher un peu cette voix, l'ensemble, pour donner un tout petit peu plus de dynamisme à l'affaire. Et là, sur ce qui va sortir, ben, on a la version, l'enregistrement original, et qui est juste à mon goût fabuleux, quoi. J'avoue que c'est ma version favorite parce qu'elle est brute et c'est comme ça qu'il a chanté. Ils ont un petit peu triché, on va dire, à l'époque, pour mettre la version sur l'album, mais c'était de bonne guerre et c'était, et si tu le faisais pas, t'étais un loser, donc fallait utiliser aussi, c'était important en studio, toutes les nouvelles techniques qui apparaissaient. Donc, non seulement des multipistes qui permettaient une approche de l'enregistrement totalement différente, vachement plus libre et avec beaucoup moins de décisions à prendre rapidement. Là, tu peux mettre plein de choses sur la bande, les laisser traîner, t'en servir plus tard ou pas. Alors qu'à l'époque, sur 4 pistes, une fois que c'était enregistré, c'était là et c'était là pour toujours. Donc là, le fait d'être en 16 pistes, ça ouvre vraiment les possibilités, ça permet de stocker des trucs qu'on n'utilisera pas, ou beaucoup de souplesse, et donc apparaissent aussi un peu d'autres réverbérations, un petit peu des échos, une façon de travailler les échos différents aussi. Puis voilà, des petites russes comme ça, à gauche, à droite, on tourne un bouton et ça monte un tout petit peu la tonalité, ou ça descend un tout petit peu la tonalité. Ce qui, selon, donne un caractère ou un peu plus vif ou un peu plus gras, un peu plus gros, si on le monte, on descend. C'est ce qu'on retrouve. Il y a des chansons pitchées comme « Tu voles l'amour » qui est pitchée. Ouais. Il y en a un troisième aussi, mais c'était une chanson bonus, « Un parmi les autres ». « Un parmi les autres », exactement. Qui a été aussi pitchée. Bon, il n'y en a que trois sur… Enfin, moi, j'ai remarqué qu'il n'y en avait que trois sur l'ensemble. Oui, mais il n'y en a que trois, mais c'est beaucoup. Ouais, tu vois, sur les albums d'avant, voilà, il n'y avait pas ce genre de manip. Tout à fait. Alors, pour les auditeurs, qu'est-ce que le pitch exactement? Peux-tu expliquer? À l'époque, on travaillait donc sur des bandes analogiques, donc des grosses bandes magnétiques et des magnétos qui tournaient 38 cm seconde, c'est-à-dire en une seconde, tu avais 38 cm de bandes de multipistes. Et sur ces fameux multipistes, il y avait la possibilité de faire un petit peu un varispeed. C'est devenu après, je pense à ça, je fais une petite aparté, je pense à Marc Chantreau, qui était un percussionniste extraordinaire, qui a joué avec Aznavour, qui a eu un groupe qui a cartonné dans les années 80 à l'international. Donc, musicien percussionniste extraordinaire. Je me souviens, au milieu des années 80, les premières séances où il disait de faire tourner à fond le pitch du magnéto, c'est-à-dire changer la vitesse. Et donc, du coup, tout ce qu'on avait enregistré, ça tournait très très vite, inaudible, inécoutable, machin. Et lui, derrière le micro, il prenait son trousseau de clés, il le jetait en l'air et poum, il le rattrapait. On se disait, mais tiens, il est bizarre ce gars-là. Il disait, non, maintenant, vas-y, repasse à vitesse normale. Et là, en ralentissant, du coup, son... Oui. Ça devenait un... une percussion incroyable. Donc, ce coup du varispeed, voilà, pouvait être enregistré à l'enregistrement, comme sur le cas de Johnny, là. Alors, je ne sais pas s'ils ont varispeedé, c'est-à-dire augmenter un peu la vitesse pour changer la tonalité sur le magnéto 24 pistes lui-même, ou s'ils l'ont fait à partir, ou s'ils ont tourné un master stéréo. Ouais. Comme ils tentent tout le temps, ils se sont dit, bah tiens, on va le pitcher, on va le monter un peu pour changer un tout petit peu la tonalité, ça va devenir un tout petit peu plus dynamique à l'écoute. Voilà, en gros. Voici la version originale studio de la chanson « Un parmi les autres », version non pitchée. J'ai vu un vieil ami qui mourait loin de chez lui, chantant cette chanson. Oh, trouverez trois versions alternatives, donc, ou trois versions de ce titre, un parmi les autres. La version exhumée de 93, remixée, la version session originale studio, et ainsi qu'une version voix alternative. Donc, vous écoutez Érigé, hein, vous écoutez l'émission Johnny de A à Z, la radio de Johnny, le mercredi de 22h à minuit, et aujourd'hui, nous parlons du nouveau livre disque à paraître le 28 mars 2025, Country Folk Rock. Et Jean-François, rappelons à nos auditeurs les titres qui y figurent dans cet album. En fait, il y a le démarrage qui est très influencé par sa rencontre avec Mallory, sur les, on va dire, les quatre premiers titres, avec ce formidable jeu La Ville et moi, et dont on va découvrir aussi une nouvelle version, qui est une version très intéressante, très différente, mais vraiment sympa. Johnny qui parle, c'est pas souvent dans l'album. Bon, Ma main au feu, qui nous rentre tout de suite en tête. Et un de mes grands regrets, moi, c'est qu'il n'ait jamais repris ce titre, et notamment dans ses séquences unplug qu'il fait dans les années 90-2000. C'est un titre qui aurait parfaitement pu s'intégrer dans des moments un peu acoustiques. Il a fallu qu'il s'en souvienne également. Oui, quelqu'un lui dise. C'est un peu dommage. Et tu as Hello USA qui donc sert de musique pour accompagner le film de Richard Black. Et très joli titre, Mon amour à Marie, qui en fait est la dernière composition du tandem Mickey Jones-Tommy Brown, qui va servir donc de face B, qui est sur la face B du single qui sort. Puis après, il y a deux titres dont on se demande un peu, enfin qui départent un peu avec le reste. Il y a Comme si je devais mourir demain, qui était censé lancer le produit, l'album et faire des ventes. Bon, ça a été un demi-succès. Par contre, sur scène, il était extraordinaire quand il a interprété ce titre au Johnny Circus. C'était un grand, grand moment. Mmh. Et ça, c'était vraiment très réussi. Et puis une version italienne de Essayer. Alors là, qu'est-ce que ça met à faire là? C'est l'ovni du. Voilà. Avec en plus un chorus de guitare ajouté très surprenant. Alors probablement qu'ils avaient des velléités peut-être d'aller sur le marché italien à l'époque, sans doute, mais sans en doute. Tout cas on se demande ce que ça fait là. Mais oui, c'était pas une raison pour le coller sur l'album. Non. Alors tu retournes à l'époque le vinyle, donc la face B, et puis là t'as une face avec que des réussites, quoi. Tous les titres, notamment enregistrés aux États-Unis, Rien ne vaut cette fille-là, il y a Vient le soleil, il y a Toi tu voles l'amour, formidable Sauvez-moi, qui a eu une version live, mais quelle version au Papillon de Paris, en 2019, extraordinaire, grand moment. Tomber c'est facile, qui est un des titres que Jean-François adore, et il a raison, c'est ouais, et, qui a été qui n'a jamais ressuscité. Alors c'est aussi voilà, pourquoi ce titre-là et non pas dans la tournée Rester vivant. Ça c'était une incroyable surprise, et malheureusement il l'a retiré assez vite parce que le public ne réagissait pas, ne connaissait absolument pas le titre. Alors que toi t'es en concert, t'entends ça, c'est pas forcément une chanson de scène, c'est une chanson assez complexe, oui. C'est merveilleux. C'était étonnant qu'il la choisisse, mais bon, c'était bien. Et en plus, il la mettait au début du spectacle. Oui, c'était la troisième ou quatrième, je crois. Donc, c'était pas évident du tout à mettre une chanson. C'était un peu un froid, parce que les gens ne la connaissaient pas. C'est logique. Et puis, il termine par un titre composé pour la première fois par son ami Eddie Mitchell et son complice Pierre Papadiamandis, paix à son âme, Comme un lion en hiver. Donc ça fait une superbe face B, et globalement un album passionnant et formidable. Est-ce qu'on peut le considérer comme un album grand public, justement, cet album-là? Si on se fie à des chiffres de vente, non, parce qu'il ne s'est pas vendu. Donc, moi, je sais qu'à diverses occasions, j'ai eu beaucoup de contacts avec des fans qui m'en parlaient souvent et qui adoraient cet album. Je pense, être très content qu'on y revienne, qu'on retravaille dessus. C'est vraiment quelque chose qui est attendu, je pense, et qui devrait vraiment marcher. Il y a besoin d'une autre lecture, justement, d'une lecture plus alors, actuelle. En 93, tu découvres quand sort la guitare trois inédits qui tiennent bien la route. Oui, bien sûr. Et qui auraient eu leur place sur l'album. Alors, il y a Deux races humaines, De la race humaine, les autres, et Easy soit facile avec moi, c'est ça que Jean-Yves Billet avait exhumé. Salut Jean-Yves, d'ailleurs, dans la guitare. Et ça qu'on avait ressorti également dans le Digipack des 40 albums studio en 2000. Ils auraient très bien pu mettre ça à la place de Essayer en version italienne. Exactement, tout à fait. C'est très étonnant. Très étonnant. Mais c'est vrai que les deux grands moments de l'année qui sont la sortie de cet album et le circus, pour des raisons totalement différentes, ont connu quelques avanies, on va dire, pour rester... On reste toujours gentil, bien entendu. Vous inquiétez pas, bientôt, dans quelques minutes, va arriver Michel Mallory, du moins l'interview de Michel Mallory. Mais juste avant, Xavier Perrault, cet album Country Folk Rock, lui, sortait le 28 juin 1972. Qui a eu l'idée de ce titre d'album-là? Est-ce que tu le sais? Non, je n'en sais rien. Je pense que, encore une fois, si on part du principe que Johnny, lui, vraiment commençait à regarder du côté des États-Unis, oui. qu'on sait qu'il a toujours eu pour ce pays une fascination, un intérêt particulier, le fait de choisir country folk rock répond à ça. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a donné ? Ça, je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas le dire. Je ne serais pas surpris si c'était lui qui avait voulu donner ce titre-là. Après, les trois premières chansons sont dans cette veine-là. Donc, toujours pareil. L'intention, elle est là. Elle est là, il n'y a pas de problème. Ce qui va empêcher, en fait, que tout cet album soit dans cette veine-là, et c'est un problème, une problématique qu'on va retrouver, j'ai envie de dire, à d'autres moments dans les années 70, c'est justement que la page des années 60 est tournée. Celle qui a vu éclore des artistes, beaucoup d'artistes, dont Johnny, dans cette période-là, beaucoup de ces artistes, donc des années 60, vont avoir du mal à poursuivre leur carrière dans les années 70. Pourquoi ? Parce que les formats, la musique évolue, les formats des chansons évoluent. On a ce format variété qui va prendre de plus en plus d'importance, qui va formater les choses au niveau des radios, au niveau de l'oreille des gens, etc. Donc, pour les artistes des années 60, c'est pas évident de maintenir un cap artistique clair au milieu des années 70. Et Johnny le sait. Il le sait depuis longtemps. Il a déjà, lui, une longue expérience de ce métier. Il sait qu'à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin, j'ai envie de dire. Mmh. Et que ses goûts personnels, ses affinités artistiques sont une chose, que la réalité de son métier en est une autre et qu'il faut composer. Il l'a fait dès le début de sa carrière. Et donc, il sait qu'il doit le faire. La différence, il y a un second point qui est important par rapport à country folk rock, très important, c'est que Mick Jones et Tommy Brown sont en train de prendre leur distance. Ils n'ont pas quitté le navire. Tommy Brown va continuer à jouer avec Johnny, notamment assurer sa direction d'orchestre en tournée. Mais on voit bien que ni lui, ni Mickey, ni Tommy ne sont réalisateurs de l'album. Qu'il n'y a qu'une chanson du duo qui est dans l'album, c'est « Mon amour à Marie », qui est une adaptation de Tommy Brown. C'est ça. C'est le seul titre. Donc, eux ont d'un côté leur carrière personnelle qui est en train de prendre de l'importance. Et naturellement, forcément, ils ont envie de se concentrer sur leur carrière perso. Donc, Johnny va perdre, en fait, les deux chevilles ouvrières qu'il avait depuis qu'il était revenu du service militaire, Mickey Jones et Tommy Brown, qui étaient vraiment les gens qui, à la fois, étaient des auteurs, des compositeurs, mais aussi des réalisateurs. En fait, Johnny se retrouve là un petit peu livré à lui-même. Sur les pochettes de l'album original, il est indiqué trois noms de réalisateurs. Alors, je ne sais pas quel a été leur rôle à chacun exactement. Ce qui est certain, c'est que si on a trois réalisateurs différents, ça fait quand même déjà beaucoup de monde pour un seul et même disque. Oui. Ça veut dire qu'on tâtonne, on cherche et on essaye de trouver cet équilibre entre les affinités musicales et les goûts de Johnny d'un côté, country, folk, rock, et puis une réalité de son métier, du marché dans lequel il, lui, travaille, un marché français qui est en train d'évoluer avec des formats de chansons, de variétés qui ne vont pas dans le même sens que les affinités musicales de Johnny. Une fois que ce constat est fait, on comprend un petit peu mieux comment est construit l'album et pourquoi il est aussi disparate. On essaye de pallier, de répondre à toutes les problématiques que pose le métier à ce moment-là. Ce qui est important aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arrivée de Mallory quand même, qui va, je pense, et on va le voir tout de suite après quand on attaquera l'album suivant, « Solitude », où là, Mallory est présent du début à la fin aux séances, ce qui n'est pas le cas pour Country Folk Rock. On est bien d'accord que Country Folk Rock, tous les enregistrements se font sans Mallory, à part la séance à Fremontel, auquel il participe. Mais il n'est pas au mix de l'album. Quand Johnny va poser ses voix à Londres, il n'est pas là. Au Morgan Studio, où Johnny refait « Joe Laville et moi » et « Ma main au feu », il n'est pas là non plus. Donc, il est encore qu'un simple auteur-compositeur qui collabore pour la première fois avec Johnny, avec lequel il y a une rencontre. Comme il le dit lui-même, ça a matché entre eux tout de suite. Mais son implication va prendre du temps et sera beaucoup plus importante sur un solitude. Aujourd'hui, je veux tout te dire. Je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois t'ai-je fait mal? J'ai voulu vivre à tout prix. je n'ai rien fait de ma vie. Mais pour la première fois, je chante comme si je devais mourir demain. Aujourd'hui, oh, je n'en peux plus, je mets mon front sur ton sein nu. J'ai failli te perdre 100 fois, je sais que tu vaux mieux que moi. Maintenant, j'ai tout compris, je recommence ma vie. Et pour la première fois, je t'aime comme si je devais mourir demain. Émission spéciale et en exclusivité sur le nouveau livre disque édité par Universal Music, Country Folk Rock Remixage 2025, sorti le 28 mars 2025. À l'instant, le titre « Comme si je devais mourir demain ». Et voici le sixième homme de cette émission spéciale Johnny Swan 12. Vous l'attendez, c'est Michel Mallory. Michel Mallory qui prépare notamment un livre sur le titre « La musique que j'aime ». Le seul cowboy corse, mon ami Michel Mallory. Bonjour Michel Mallory, je vous remercie de m'accorder cette interview, hein, c'est un honneur. Et je remercie également Xavier Perrault de réaliser un rêve, parler avec le plus grand auteur-compositeur pour Johnny Hallyday. On se... Oh, c'est trop gentil. Ah ben oui, alors ça, c'est pesé, hein, les mots sont pesés. j'adore. On se retrouve dans le cadre du nouveau livre-disque édité chez Universal, Country Folk Rock de 1972. Votre première collaboration avec Johnny. Mais nous parlerons également de vous, Michel Mallory. Donc, on connaît l'histoire de votre rencontre avec Johnny, l'histoire du titre adapté qui vous a réuni, hein, Sauvez-moi, oui. Dont vous racontez notamment dans le DVD apparaître avec le livre-disque. Mais une chose dont j'ignore, c'est quelle est la date de votre rencontre ? Wow, attendez, je pense, mais j'en suis pas sûr. Hein. Je pense que ça devait être 68 ou 69. 68, mais je... penche beaucoup plus pour 69. Ah oui, en effet, parce c'était, que c'était bien avant l'album. C'était bien avant l'album. J'avais rencontré Johnny, mais tout à fait, je pense qu'il ne s'est même pas rappelé de moi d'ailleurs, parce qu'il répétait, dans les combles de l'Olympia, et un de ses guitaristes était un de mes copains. Et donc j'ai pu assister, assis dans un coin, sans faire de bruit, un peu caché, à sa répétition. Et là, je dois dire que j'étais un peu bluffé, quoi, parce que il était finalement tout le monde disait oui Johnny, il aime pas bosser. Ben je peux vous dire qu'il était extrêmement précis sur ce qu'il voulait et il dirigeait tous ces gars là, tous ces musiciens vraiment comme un taulier qu'il était. Hein. Mmh. Alors après, ben je l'ai pas vu pendant un certain nombre d'années. La vraie rencontre avec bonjour, comment allez-vous, qui êtes-vous, c'est en 71. La première fois, il m'avait salué très gentiment d'ailleurs, mais c'était resté, ça m'était resté là, quoi. Ouais, bien sûr. Et Et donc, là, quand j'ai été chez lui, enfin, vous connaissez cette histoire, tout le monde la connaît. Ah, tout le monde la connaît, oui, bien sûr. Oui, c'était assez. Il adorait que je la raconte d'ailleurs. Il disait raconte notre rencontre. Je dis mais enfin Johnny, je l'ai rencontré, je l'ai raconté 10 000 fois. Non, raconte-la encore. Ça l'a fait beaucoup rire. Ça le faisait beaucoup rire parce que c'est vrai que ça aurait pu très mal se passer en fait parce qu'il était pas très heureux de m'accueillir ce matin-là. Pour cette chanson d'ailleurs, et il aurait préféré, mais comme vous le savez, que je sois le plombier. Et il était persuadé pendant un bon moment que j'étais le plombier. Et moi, je n'osais pas lui dire, quoi, parce que j'avais très peur. J'avais très peur de me faire virer. Et puis finalement, bon, les choses se sont passées plutôt bien, puisque. Écoutez, voilà. Et voilà, la collaboration a commencé à partir de là. Oui, elle a commencé la collaboration, et je peux vous dire aujourd'hui aussi que l'amitié a commencé à partir de ce moment-là, parce que on s'est découvert parce que il m'a dit, il posait souvent cette question-là, il l'a posée à Jean Renard aussi, il m'a dit vous aimez le rock'n'roll? Et là c'était important de ce que j'allais répondre. Oui. Et je lui ai répondu pas trop, non. Non, j'ai dit pas trop. J'ai dit moi je suis plutôt un extraterrestre. J'aime des trucs que les gens n'aiment pas. J'ai dit moi j'aime le blues et la country music. Il m'a regardé, il a fait non c'est pas possible. Ben je dis si c'est possible. Je dis je déteste pas le rock and roll, mais je préfère le blues et la country music. Il m'a dit moi aussi. Et voilà. Et il connaissait ces deux musiques peut-être beaucoup mieux que moi. Ah oui. Ah oui. Il allait dans la country music, il allait plus loin que moi. Et lui, il aimait même, il allait au-delà de ce qu'avait fait Hugo Frey au tout début, c'est-à-dire, il adorait le skiffle. Tout à fait. Lonnie Donegan était son idole à Johnny. Lonnie Donegan. Moi, je ne savais même pas qui c'était Lonnie Donegan. Et c'est lui qui m'a fait découvrir. Et donc, il allait très loin. Mais ça, il ne le disait à personne. Il disait qu'il était un rocker pur et dur, ce qu'il était, en vrai. Et il l'était. Mais il avait aussi des bases. Il avait des bases de country. Il avait des bases de blues et il avait des bases aussi de skiffle. Il avait amassé tout ça pour devenir le chanteur de rock qu'il est devenu. Ça, c'était vraisemblablement le plus grand chanteur de rock que nous ayons eu dans notre beau pays. Voilà. Voici le premier titre de la collaboration John Hayde et Michel Mallory. Sauvez-moi, ou autrement dit, Salvation du groupe Rosebud. Ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes pour la prière des hommes. On m'en a jamais apprise et j'ai peur comme un enfant. Oh Dieu, que cette aube est grise pour mourir maintenant. La justice des hommes s'est trompée. Personne pour m'entendre crier. Sauvez-moi, sauvez-moi. Faites quelque chose, en fait quelque chose. Sauvez-moi, je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt, prêt à mourir. Je ne pourrai les suivre, ils devront me porter. Je n'ai plus de courage et plus de dignité. Je suis prêt à tout faire. sauver. La justice des hommes s'est trompée. Il n'y a personne pour m'entendre crier. Oh, sauvez-moi. Sauvez-moi. Faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Des autres cellules. Les hommes m'appellent. Ils me disent adieu en tapant sur leur gamelle. Oh, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore tout dit. Je suis innocent. Je suis innocent, je le jure. Et toi, le curé, dis-leur que lui là-haut, il ne veut pas. Dis-leur qu'il les regarde. J'ai peur. Je ne suis pas un héros. Je ne suis rien du tout. Laissez-moi ma vie. Vous découvrirez la version alternative de Sauvez-moi sur le livre disque qui sort le 28 mars 2025. Combien de temps après votre rencontre, Johnny est parti enregistrer Sauvez-moi ? Est-ce que vous l'avez suivi en studio ? Non, non, non, pas du tout. C'était, comment dirais-je, il devait partir. Oui. Il devait partir les jours qu'on suivit à Londres. Je ne faisais pas partie du voyage. Ouais. Non, non, je ne faisais pas partie de l'aventure. Après, quand il est revenu, on a complété cet album avec des chansons comme Ma main au feu, Joe la ville et moi. Alors après, on avait été dans le studio de Jacques Dangean. Oui, c'est ça. En Normandie. Oui. Parce que quand j'ai rencontré Johnny et que je lui ai montré le texte de Sauvez-moi, en fait, je suis resté une semaine chez lui. Mmh. C'est-à-dire, on est resté une semaine sans sortir de la maison. Voilà, Sylvie était en tournée, je crois. On était tous les deux seuls avec son cuisinier garde du corps qui s'appelait Franco à l'époque et qui faisait de très bonnes pâtes italiennes. Et donc il m'a dit, mais est-ce que t'as des chansons pour moi? Et j'étais bien obligé de lui dire que j'en avais pas, quoi. Et je lui ai dit, moi j'ai bien des trucs, mais c'est des trucs country. Non, non, non, vas-y, chante-les-moi. Et je lui ai chanté Ma main au feu, il m'a dit, je la prends. Bah oui. Mais c'était bien après. Il l'a enregistré bien après. Et il m'a téléphoné de Londres pour me dire qu'il avait fait la séance avec Sauvez-moi, qu'il était vraiment ravi, qu'il était très content de cette chanson. D'où vient cette passion pour la country music? Est-ce que vous n'étiez pas frustré de chanter dans les années 60 de la variété française? Oh oui, bien sûr. Mais écoutez, je ne sais pas où je sais, en fait, finalement, parce que il n'était pas tout à fait normal qu'un môme descendant d'un petit village de montagne corse tombe littéralement fou de la country music. Alors j'ai essayé de faire des comebacks sur mon adolescence, dirais-je. Et j'avais une sœur, j'ai toujours cette sœur magnifique qui a 3 ans de plus que moi. Et ma sœur travaillait déjà et elle achetait des disques. C'était le début des super 45 tours. Mmh. Alors, elle achetait évidemment ce qui marchait à l'époque. C'était Charles Aznavour, des choses comme ça. et elle a acheté un super 45 tours d'Elvis Presley. Alors évidemment, personne ne savait qui était Elvis Presley à cette époque, mais moi, les quatre titres de Elvis Presley qu'il y a sur ce super 45 tours, ils ont complètement changé ma vie. C'était lesquels, vous vous souvenez ? Ben oui, il y avait « I forgot to remember to forget ». I forgot to remember to forget. Il y avait « Train, train ». Mystery Train, oui. Ouais. Il y avait ça va m'en venir. Ne vous inquiétez pas, je chercherai. Voilà. Et le son de la voix, ben, il y avait « Don't be cruel ». Il oui. Y avait toutes ces et moi le son de la voix de ce mec, les guitares derrière avec les chœurs des Jordaners, je m'en suis pas remis. Et j'ai été jusqu'au bout de mon rêve. Hein. J'ai été dans le studio où il a enregistré. J'ai rencontré les Jordaners. J'ai fait des trucs. Voilà, j'ai été jusqu'au bout hein, de mon rêve. J'ai rencontré tous les musiciens d'Elvis. Donc j'ai été vraiment. J'ai voulu essayer de comprendre, de disséquer. Alors évidemment, Elvis c'était lui, c'était un rocker, mais il l'appelait The Rocking Cowboy. Mm-hmm. En fait, il était influencé par le blues formidablement, par le gospel, parce que je pense vraiment que la musique qu'il préférait, c'était le gospel, Elvis. Il était bercé par ça, parce que c'était quand même des relativement cubénis, hein. Lui, sa mère, son père, oui, tout ça, ils étaient très proches de, et Elvis adorait, chanter le gospel avec tous ces Jordaners, les Stamps, Gene Summer, le bassiste là. Il a fait deux albums de gospel dans sa carrière. Ah oui, mais il adorait ça. Vraiment, il adorait. J'ai jamais vu faire de gospel avec Johnny, mais j'aurais bien aimé, pourquoi pas. J'aurais bien aimé. Ah, vous alors voilà pourquoi. Vous voilà, Elvis faire. A changé ma vie. Ah voilà. Voilà. Mais voilà, vous auriez pu faire du gospel, faire des chants corse, ouais. Chanter des chants corse. Ah ben, j'en ai fait avec Gene Manson. Oui. On a fait la chapelle de Harlem. Oui. Ouais, on s'est pas gouré là, on avait tapé bien dedans là. C'est sympa. On avait bien tapé dedans. Un jour, j'avais fait un truc ici dans une église. C'était à l'époque où je chantais encore et j'avais pas eu. Un concert des cordes vocales, et donc j'avais fait venir un groupe de chanteurs corses, mmh. Qui chantaient, eux, des chants religieux avec cinq voix différentes, un groupe de gospel de Rouen, et à la fin, on a fini tous ensemble, dans une église super. Et ça a été un moment, magique. Mmh. Ça a été un moment magique. Voilà, j'ai beaucoup voyagé musicalement de la country au gospel, en passant par le blues et le rock, y compris les grandes chansons avec Jean Renard. Oui. L'Amérique est une blonde qui boit du Coca-Cola, qui chante du folk song et qui fait du cinéma. L'Amérique devient noire quand le blues et le gospel viennent pour chanter l'espoir aux étés chauds de Harlem. Hello US. Hello US, USA. L'Amérique devient folle quand elle va au rodéo, quand elle se fait des idoles et quand elle roule en moto. L'Amérique est une fille faite de néon et d'or. Certains reviennent en guenilles, c'est l'envers du décor. Oh oui. Hello Interview, vous évoquez souvent Rolling, hein, Jean-Pierre Azoulay. Pouvez-vous nous en parler plus sur lui, hein? Vous avez souvent été bluffé ou admiratif de Rolling, ce guitariste merveilleux. Oui, alors Rolling, c'est très largement le meilleur guitariste que Johnny ait eu. Je les ai tous connus, y compris Robin Le Mesurier, qui était un très bon ami à moi. Rolling, c'était la pointe au-dessus. D'ailleurs, c'est Rolling qui est parti, c'est pas Johnny qui l'a viré. Hein. Rolling est parti pour une raison qui est dingue, c'est qu'il était en train de devenir sourd. Wow. Parce que la puissance de Johnny sur scène... D'ailleurs, Johnny était sourd comme un pot à la fin. Parce qu'il avait écouté tellement fort. Alors, Rolling était un garçon, introverti. C'était quelqu'un de timide, c'était quelqu'un de charmant. Et on lui doit, à Rolling, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi. Voilà, dans toute la musique que j'aime, c'est lui qui a apporté le ça c'est Rolling. Ça c'est Jean-Pierre Azoulay. Parce que... Ah oui. Il y avait donc un guitariste qui avait été un guitariste américain qui avait été retenu par Chris Kimsey, dont le nom m'échappe un petit peu là, mais ça va me revenir. Et nous, on est arrivé avec Rolling, avec Johnny. Et il y avait un espèce de combat de guitare entre Rolling et ce garçon. Et cet Américain, inutile de vous dire que je peux vous dire qui a gagné. Hein. Rolling connaissait Johnny sur le bout des doigts. C'est-à-dire que il avait réussi quelque chose que peut-être que les autres n'ont pas tout à fait complètement réussi. C'est-à-dire qu'il s'était mis au service totalement du chanteur, de l'artiste. Quand il intervenait, ses interventions de guitare, écoutez-les sur scène, c'est toujours à bon escient, c'est toujours au bon endroit, et c'est toujours avec un goût absolument parfait et avec un son idéal. C'était le pendant musicien de Johnny Rolling. Et c'était un garçon qui avait une sensibilité, qui était adroit magnifiquement à la guitare. Il avait une dextérité incroyable. Et pour moi, ça a été le meilleur guitariste de Johnny. Voilà. Et c'est ce que disait aussi Johnny. Oui, tout à fait. Vous le voyez encore? Bien sûr. Vous le voyez encore, Jean-Pierre Azoulay? On a quelques fois des coups de téléphone. Ouais. Mais vous savez, il est... c'est quelqu'un de très... J'ai même demandé de faire des trucs pour moi, guitaristiquement parlant. Il m'a dit... Oh, non, tu sais, moi, je suis dans ma campagne, et puis tu sais, je fais toujours les mêmes choses. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste. Oui. C'est quelqu'un d'extrême. Oui, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, au-delà de, et pour qui j'ai et vraiment beaucoup d'admiration. Je dormais chez lui à Paris. Il habitait un endroit incroyable dans le Marais. On passait des soirées incroyables avec lui, guitare en main, c'était formidable. C'est quelqu'un que je n'ai jamais oublié, vraiment, jamais. Je veux dire qu'il faut lui rendre ce... il disait non, mais non, tu sais, c'est toi qui m'as inspiré ça, non, le temps, c'est quand même Jean-Pierre Azoulay, quoi. Je veux dire, j'aurais pu dire que c'était moi, mais non, c'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est, il faut rendre à César, parce que c'est quand même important, cette phrase musicale dans cette chanson. Cette phrase musicale lance toute la musique que j'aime. Si on l'enlève, c'est plus tout à fait la même chanson. Bah, de toute façon, on peut appeler ça un riff, c'est un riff. C'est un riff, oui, mais voilà, suite, c'est un riff. Dès les premières notes, on le reconnaît de suite. C'est... Tout de suite. Et voilà, et je l'en remercie encore. Ah, oui, oui. Je l'en remercie encore, voilà. Jean-Pierre Azoulay. Écoutons la guitare de Jean-Pierre Rolling Azoulay sur son titre « Ma main au feu ». Vous écoutez Johnny de A à Z ici sur RIG, émission spéciale Johnny 72. Quelqu'un dit que tous les hommes venaient au monde égaux entre eux et que l'argent ne les rendait pas plus heureux. J'en mettrai pas ma main au feu. Je crois en ton amour sincère. Je le vois briller dans tes yeux. Et quand tu dis qu'il vivra autant que nous deux, là j'en mettrai pas ma main au feu. Parfois pour oublier ma haine, j'ai dû vraiment faire de mon mieux. M'étendre l'autre joue pour qu'on me frappe un peu. J'en mettrai pas ma main au feu. M'étendre l'autre joue pour qu'on me frappe un peu. Là, j'en mettrai pas ma main au feu. Je sais que tu es la plus belle. Mes amis me l'avouent des yeux, qu'il n'y en ait pas un parmi eux qui soit envieux. J'en mettrai pas ma main au feu. Je trouve la terre bien trop belle pour que des fous la cassent en deux. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là j'en mettrai ma main au feu. Ouais. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là j'en mettrai ma main au feu. Vous aviez pas une histoire du genre, quand vous étiez justement en Normandie dans le studio Le Fil de l'air, il faisait froid et puis que Jean-Pierre couvrait sa guitare d'une couverture pour pas qu'elle attrape froid justement. Non, on avait deux grands lits, l'un à côté de l'autre, mais on se caillait là-dedans, mais c'était pas possible. Et Rolling prenait sa guitare, il la mettait dans l'étui et elle couchait à côté de lui sous les couvertures. Sous les couvertures. Il a fait même mieux que ça. On devait partir aux États-Unis à Nashville. On a fait Nashville, on a fait Memphis. Ouais. Et au moment de monter dans l'avion, on lui a dit, mais non, la guitare, il faut la mettre dans la soute. Et il a dit, bah, je prends pas l'avion. Je monte pas dans l'avion. Et Johnny a été obligé de se bouger le cul, comme on dit, pour que Rolling puisse embarquer sa guitare dans l'avion. Et il a embarqué sa guitare dans l'avion en payant quart de place ou un truc comme ça. Et alors, il a mis sa guitare à côté de lui avec la ceinture de sécurité. C'était un personnage incroyable. Vraiment, un personnage incroyable. Il a toujours joué avec la même guitare ? Ouais. Oui. Il avait une, je pense qu'il l'a toujours, une série L Fender, Stratocaster, Sunburst, qui à l'heure actuelle, c'est des guitares qui se menaient, si vous la trouvez, hein, entre 40 et 50 000 euros. Hein. Peut-être que la sienne vaut beaucoup plus cher, puisque il avait une mécanique qu'il avait perdue. Il avait mis une mécanique Gibson à la place. Ça me faisait marrer à chaque fois. Et ah non, il avait une guitare exceptionnelle. D'ailleurs, le son de sa guitare se reconnaît entre mille. Se reconnaît entre mille, ouais. Et je pense qu'il l'a toujours. Et c'était une guitare aujourd'hui rarissime. Hein. Les séries L, c'est rarissime et ça coûte un bras. Et celle-là, elle était, toutes les pièces étaient identiques et elles n'avaient pas été trafiquées par qui que ce soit. Il avait veillé là-dessus avec beaucoup de soin. Sa guitare, c'était quelque chose, c'était un autre lui-même. Oui. C'était sa prolongation, en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. C'était, il fallait qu'il la touche, c'était quelque chose de tactile, presque sensuel. Il y avait un côté sensuel entre Rolling et sa guitare. Il y avait une sensuelle. Ah oui, c'était vraiment formidable. Johnny avait fait une chanson, la chanson Pendue à mon cou, mais on peut associer cette chanson-là aussi à Jean-Pierre Azoulay. Ah oui, absolument, oui. Ah oui, vraiment, c'était. J'ai rarement vu une osmose pareille entre un musicien et son instrument. Vraiment, c'est quelqu'un qui restera longtemps. Pour moi, ce que j'ai entendu de mieux à la guitare, voilà. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on en parle et que je voudrais qu'on lui rende hommage parce que c'est quelqu'un qui le mérite très, très largement parce qu'il a moins fait couler d'encre que d'autres, les Nono Krief ou compagnie, très, très bien, ou les Yarol Poupou. Inutile de vous dire que ça ne jouait pas dans la même catégorie. Hein. Ah non, ça, c'était pas dans la même catégorie. Je ne cours pas après lui, je ne cours pas après des interviews avec lui, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais moi, vous savez, le dernier anniversaire de Johnny, je rencontre Yarol Poupou, on me le présente. Le mec m'ignore royalement, très bien. Et après, d'abord, je suis à la table de Johnny, je suis juste en face de lui. Donc je suis à la table d'honneur avec Eddie Mitchell. Et Johnny se lève à la fin d'une idée, dit voilà, je vais faire un album avec Michel Mallory, on va partir à Nashville tous les deux. Deux minutes après, Yarol Poupou arrive et je lui dis mais je connais bien votre fils, c'est vrai, il connaissait mon fils. Ouais. Je connais bien votre fils et là il a commencé à me cirer les pompes. fin du coup. Parce que vous vouliez que votre fils joue sur cet album-là en plus. Et donc lui, il voulait mettre aussi un petit peu ses bottes dedans. J'en sais rien, mais en tout cas, tout d'un coup, j'aurais pas imposé mon fils à Johnny Hallyday. Non. Certainement pas. Non. Johnny choisit ses musiciens. Hein. Oui. C'est un domaine qui était le sien. Il fallait qu'il ait une affectivité, Johnny, avec ses musiciens. Mmh. C'était pas seulement des musiciens. Il y avait aussi de l'amitié quelquefois, hein. Pas toujours, hein, mais souvent il y avait de l'amitié. Parce que Johnny admirait aussi, hein. Johnny admirait les gens qui faisaient quelque chose que lui ne savait pas faire. C'est ça. Comme il disait Johnny, lui, c'était surtout de la rythmique qu'il faisait avec la guitare, mais il n'avait pas. Johnny, c'était un bon guitariste rythmique. Voilà. Comme vous venez de dire, oui. Mais pour faire ce que faisait Rolling, c'est autre chose. On est dans un autre domaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter le label éphémère H, produit par Johnny Hallyday, sur lequel vous aviez enregistré votre premier 45 tours sur ce label-là, qui s'appelait Va Va Va, et aussi C'est la vie. Oui, j'avais enregistré ça avec lui, parce qu'il avait vraiment tenu à ce que je fasse un 45 tours, quoi, je veux dire. Il y en a plusieurs, mais même le Cowboy d'Aubervilliers, il est sur. Oui, le Cowboy d'Aubervilliers, oui. Va. Il y avait Jacques Ploquin aussi qui était sur ce label. Oui. Le disque H. Oui. Donc Johnny était mon producteur. Mais comment ça lui est venu? C'était lui qui était en studio. C'est lui qui avait désiré ça. Il m'a dit, mais c'est pas possible que tu chantes pas. Ouais. Tu fais chier. Chante. Et en plus, va, Sylvie avait adoré. Elle m'a dit, va, va, va, va où tu voudras. Elle m'a dit, va, va, va, mais vas-y sans moi. Car là où tu vas, moi je n'irai plus. Et là d'où je viens, tu ne sauras rien. Alors va, va, va, va où tu voudras. Et quelqu'un qui vient de nous quitter, qui avait adoré ça, c'était Françoise Hardy, qui m'avait envoyé un petit mot, c'était adorable, vraiment. Elle m'a dit, j'écoute ça en boucle, parce qu'on était voisins avec Françoise, évidemment, dans mon village. Elle avait adoré ce côté un peu country, quoi, mais complètement. Oui, et Johnny, le cow-boy Aubervilliers, ça le faisait tellement marrer que non, il s'était tout à coup. Je me demande si Nanette Workman n'a pas chanté sur disque H aussi. Si, elle avait chanté Fleur déracinée. Voilà, ça c'est moi qui ai écrit ça aussi. Et en face B, c'était Apprendre à vivre ensemble, la de Joe Cocker. J'ai fait le texte de ça. Et parce qu'il est marqué que c'est justement Nanette Workman qui a arrangé et dirigé ce 45 tours-là, par exemple. Absolument. Voilà. Absolument. C'est elle qui fait le piano, c'est elle qui fait les chœurs. Elle a été. Parce que Nanette Workman en studio, c'était impressionnant. Hein. C'était carrément le couteau suisse. Hein. Elle savait absolument tout faire. Guitare, piano, les voix, elle dirigeait. C'était vraiment quelqu'un. D'ailleurs, Johnny admirait beaucoup cette fille musicalement, parce que c'était son double, hein, Nanette Workman. C'était le double féminin de Johnny. C'était parce qu'elle envoyait le bâton. Hein. Ouais. C'était waouh, la fille, c'était impressionnante. Elle était impressionnante, mais ce qui était impressionnant en plus chez elle, c'était ce côté, versatile. C'est-à-dire qu'elle était pianiste, elle jouait très bien du piano. Elle était guitariste, elle jouait très bien de la guitare. C'était pas quelqu'un qui jouait comme ça, quoi. Et quand elle faisait les chœurs, c'était impressionnant, quoi. C'était très impressionnant. Nanette Workman, waouh. Je sais qu'elle est toujours vivante. Oui. Et puis en plus, c'était un canon. Elle était belle comme le jour, quoi. Mais elle était folle comme un lapin aussi, hein, parce que ils jouaient à un jeu tous les deux. C'était celui qui allait dormir le moins. Alors quand Johnny allait dans sa bagnole pour essayer de dormir une petite heure, elle arrivait, elle ouvrait la portière, elle tirait par les pieds. Non, il faut. On va travailler, c'était un truc de fou. Je ne sais pas comment ils tenaient ces deux-là. Mais bon, c'était toute une époque c'était où le studio était une fête. Le studio, c'était une fête. Il fallait mériter le studio. Ouais. C'était la cerise sur le gâteau, quoi. C'était, les studios, c'était... À chaque fois, il se passait quelque chose. Il y a de quoi raconter encore, hein, là-dessus. Oh oui, j'aurais pas assez de toute ma vie. J'aurais pas assez de toute ma vie, non. Et on... émission spéciale en exclusivité, le mixage 2025 du nouveau livre disque édité par Universal Music Country Folk Rock ou Johnny 72. Cela sortira le 28 mars 2025. On va retrouver tout de suite Laurent Guénaud pour nous parler de son travail sur ce nouveau livre disque Johnny 72 Country Folk Rock. Quelle est la différence de ce mixage 72 comparé à celui de 71? On travaille aussi sur des 16 pistes. Oui, tout à fait. Quelles sont les plus grandes différences que tu as pu rencontrer sur ces deux projets? Le grand bazar dont tu m'as raconté. Voilà, ça c'est la grande différence, c'est que c'est vraiment un grand bazar. Là, je crois que c'est le 10e album sur lequel je travaille. Ouais. Ça a été le plus compliqué pour moi, parce qu'en général, tout est assez carré, c'est très propre, bien... Il n'y a pas trop de trucs qui débordent. Alors que là, je me suis retrouvé avec plein de pistes qui n'ont pas été utilisées jamais parce que pas très bonnes. Enfin voilà, avec beaucoup de bazar sur les bandes. Donc ouais. Ça vraiment, sur 72, c'est vraiment le point important. C'était du combat. Qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter d'un studio à l'autre? Parce que tu disais que la bande a beaucoup voyagé. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté au fur et à mesure? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as la réponse? Non, je ne sais pas. Ça peut être des guitares, des cordes, des cuivres, peut-être des chœurs après, peut-être un harmonica plus tard. Ouais. Enfin, je ne sais pas, mais tu le sens que c'est très disparate. En général, sur les enregistrements, on va dire sur 71, d'un titre à l'autre, j'avais pas trop de différence sur les batteries, sur les basses. Alors que là, tu passes d'un titre à l'autre... 71 est assez facile, entre guillemets, bien évidemment, à dérouler. Voilà, quand les éléments sont pas très loin les uns des autres, titre après titre, c'est facile de tirer un fil et de tout regrouper et d'accrocher quelque chose de cohérent. Alors que là, avant de trouver une cohérence, c'était très compliqué. Très, très compliqué parce que je ne savais pas par quel bout attaquer le truc, en fait. Et j'ai un peu commencé par... bosser des titres où il y avait du basse, batterie, toi, où il y avait pas mal d'éléments, mais quand je revenais travailler avec sur un titre où avec moins d'éléments, je jouais du tar, un peu de basse et une voix, ça fonctionnait pas. Ouais. Faut pas oublier que moi je me réfère à chaque fois à l'album original, donc que je vais écouter. Retrouver une homogénéité, ça a été assez difficile. L'idée, c'est que je me repère bien évidemment donc à aux versions originales. Ouais. Et donc, c'est de proposer quelque chose en plus. Tout à fait. Assez simple à trouver si tout est homogène au niveau des enregistrements, de la production et tout ça. Alors que là, beaucoup d'éléments très, très, très, très, très différents. Et la bataille pour que l'ensemble devienne cool. Mais j'aime bien les batailles, donc c'était bien. Ah, tu m'étonnes, tu t'es pas ennuyé sur ce coup-là. J'avoue que je me suis pas ennuyé. Et de toi, moi, je suis pressé de passer à 73. Bon, après, c'est normal quand une production voyage comme ça. En plus, donc avec un peu de place sur la bande, c'est normal que les gens mettent des choses. Et puis, aujourd'hui, quand on travaille, on est souvent sur des ordinateurs où on ferme la session. Le lendemain, quand on rouvre, on a exactement la même chose. Faut se rappeler que quand on travaillait sur une console, on montait les faders de la console le matin, et puis le soir, on baissait les faders, parce que le lendemain, on allait faire autre chose. Donc, pour revenir en arrière, il fallait recommencer tout un processus. C'était très compliqué. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et une cuisine, c'est une vraie cuisine. C'est-à-dire qu'en gros, les dosages n'étaient pas forcément notés, et donc, il fallait recommencer à nouveau. Et ça dépendait aussi de l'humeur de l'ingénieur du son, l'humeur de l'ambiance elle-même dans la séance. S'il y a deux gars qui se prennent la tête dans une séance, ça pourrit un peu tout le monde, le travail est pas le même que quand tu arrives, que tout le monde est content, que c'est un peu la fiesta. Voilà, c'est vraiment une synergie d'énergie comme ça où, tiens, si l'ensemble se passe bien, la musique va être bien. Si l'ensemble ne se passe pas bien, la musique, ça va être compliqué. Mmh. Mais des pas du compliqué, on peut tirer de très bonnes choses aussi, d'autres sentiments. d'autres émotions. Donc il n'y a pas de règles. Malgré tout, il n'y a pas de règles. Mais voilà, 72, les bandes, elles étaient bien chargées, bien différentes. Pas simple, pas simple. En 72, l'ensemble des sons, c'est un, même s'il y a de l'énergie, c'est un tout petit peu plus cotonneux, c'est moins ouvert, il y a moins d'aigus, c'est moins large. Autant, bah, dès que tu rouvres un petit peu, au niveau fréquence, les défauts ressortent plus. Donc, très compliqué. Ouais. Redonner une couleur un peu plus actuelle, on va dire, tout en préservant l'idée des mix d'origine. Et en ayant en plus cette contrainte de « Tiens, je veux vous en faire entendre un tout petit peu plus, mais ce que vous entendez, ah, c'est peut-être un petit peu le bazar, c'est peut-être mieux de ne pas l'entendre. » Donc voilà, de trouver le bon équilibre au milieu de tout ça, pas simple, pas simple, pas simple. Et vous écoutez ce soir donc le résultat du mixage, du remixage de Laurent Guénot. Vous inquiétez pas, vous allez être satisfait, très satisfait de ce résultat. Donc ça sortira le 28 mars 2025. On va retrouver maintenant Jean-François Chenu et Jean-François Brieux. Alors messieurs, quels sont les plus que nous aurons droit dans ce nouveau livre-disque ? Ce qui est formidable donc, dans ce projet que Xavier a mis en place et a travaillé, c'est qu'on va, redécouvrir l'album avec le travail de l'ingénieur du son, bien sûr. Mais aussi, on va avoir des versions alternatives de titres comme donc Joe Laville et moi. J'ai un mot, la version elle est vraiment géniale. Ah oui, moi, je trouve, elle est formidable. Il y a Ma main au feu, il y a des voix différentes sur certains morceaux. Tu as les trois inédites. Vous voyez ce que je veux dire, qui est enregistré. Alors, personne ne se souvient très bien. Ça figure effectivement sur des bandes qui ont été reçues par Xavier, envoyées des États-Unis. Donc, le titre y figure. C'est Labro. Et Labro, il a surtout collaboré avec lui au moment de Flagrant Délit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont retravaillé après la musique sur les... J'en sais rien, mais en tout cas, il y a ce titre. Et puis, on termine l'année avec un single qui sort au mois de novembre, avec Avant, qui est censé être le titre porteur, mais qui n'a pas fonctionné vraiment, alors que la phase B, phase B formidable. Ouais. Tu peux partir si tu le veux, annonce l'album qui va suivre. Et rencontre un certain succès quand même, et puis qui est un titre excellent. Mais de toute façon, on en avait déjà parlé, mais on peut le rappeler peut-être. Pourquoi ce titre-là, qui figure sur l'album, le prochain album Insolitude, pourquoi il figure sur en face B d'un 45 tours qui ne figure sur aucun autre album ? Ah ben là, à l'époque, moi je pense qu'ils ont le titre avant, et qu'ils cherchent une phase B, et qu'ils ont ce titre qui est enregistré. Ils l'ont sous la main. Voilà. Non, façon le truc étrange, à la fois c'est cohérent par rapport à la solitude. Oui, parce qu'un solitude a été enregistré en 112, décembre. Donc, c'est un peu étrange qu'on le remette sur la solitude. Et en même temps, c'est vachement bien, parce que dans l'album, il est... Ah ben, il a évidemment sa place pleinement dans Insolitude, et il sera dans le livre-disque Insolitude de 73 quand on y viendra. Alors, tu vois bien qu'aussi c'est une période charnière dans sa vie privée, parce que Mallory, il ne fait que traduire les états d'âme de Johnny. Tout à fait. Et donc, c'est une période difficile avec Sylvie, qui va bien se terminer, mais là, avant, on voit bien que c'est pas le moment où ils se sont réconciliés, mais ça va venir après. Et puis avant, c'est un nouveau flop, quand même. Oui, et c'est un échec, c'est un échec commercial. Hein. Pour les romantiques, ils aiment ça. Hein. C'est vraiment, s'il y a une année qui est en dents de scie, c'est bien celle-là, enfin, il y en a d'autres, mais particulièrement celle-là. Il y a beaucoup d'enregistrements, beaucoup de productions, beaucoup de titres, des choses assez différentes. Mais globalement, ce n'est pas une année, sur le plan commercial, qui est une année qui a bien fonctionné. Ça, c'est clair qu'entre, effectivement, tu le disais, l'échec financier du Johnny Circus, et puis cet album qui n'a pas fonctionné, enfin qui n'a pas rencontré un grand public, c'est un peu difficile. Oui. Michel Mallory, dites-nous. Est-ce que vous l'aviez suivi pendant le tour, le Johnny Circus ? Non. C'était pas dans ce truc-là. Je pense que j'aurais mal vécu cette aventure. Mais vous avez été présent avec lui à l'après Johnny Circus. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il m'a ce que je suis en train d'écrire pour toute la musique que j'aime, c'était que à l'époque Johnny était dans un état d'esprit qui était vraiment, Sylvie s'en allait, quoi. Tout à fait, oui. C'était la fin de cette histoire. Bon, il y a eu un retour de flamme, bien sûr, mais c'était un peu la fin de cette histoire. parce que il avait le blues, mm-hmm. quelque part. Il avait le blues, c'est-à-dire que il m'a dit, tu sais, en ce moment, les choses ne vont pas très bien dans ma vie d'homme. J'arrive pas à me remettre de l'échec du Johnny Circus. C'est ça, ouais. Il n'arrivait pas. Donc, c'était une époque, une mauvaise époque pour lui. Tout en fin de compte, il perdait Sylvie, le Johnny Circus qui a été un fiasco. C'est ça. C'était, donc, sa vie d'artiste et sa vie d'homme mm-hmm. N'allait pas bien. Donc, cet album a été un peu, Solitude a été ce qui a remis les choses plus ou moins en place. Et puis après, bien évidemment, il y a eu le duo qu'ils ont fait, J'ai un problème. Oui. Voilà, et après, J'ai un problème, il y a eu la tournée, J'ai un problème. Oui. Mais ça n'a fait que reculer. Les séances, oui. Les séances, voilà, c'est ça. Mais c'était très important. Merci mille fois Michel Mallory de m'avoir accordé cette interview. Michel Mallory que l'on retrouvera dans une prochaine émission Johnny de A à Z ou encore, je dirais même, deux émissions spéciales Michel Mallory. Vous écoutez RIG et Johnny de A à Z, la radio de Johnny Hallyday. Voici Easy, Sois Facile, extrait du prochain livre disque Johnny 72. Easy, elle s'appelait. Facile, je croyais. Elle avait des yeux à vous tourner la tête. Et je crois bien que la mienne a tourné. Le ciel lui avait donné ce qu'il faut pour vous troubler. Mais chaque médaille possède aussi son revers. Sa beauté me cachait son mauvais caractère. Sois facile avec moi, Easy. Je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, Easy. Laisse-moi vivre ma vie. Pourquoi faut-il toujours que les filles compliquent l'amour? Ce qu'il faut, bien souvent plus qu'il n'en faut. Ça n'était jamais assez pour cette fille qui ne trouvait rien de bon, rien de beau. La liberté, lorsque l'on aime, peut être enchaînée. Et je ne sais rien de plus triste en moi-même que celui qu'on retient quand il veut s'en aller. Oh, sois facile avec moi, Easy. Je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, Easy. Laisse-moi vivre ma vie. Pourquoi faut-il toujours que les filles compliquent l'amour? On ne pourra-t-elle jamais m'écouter sans rien compliquer? C'est pourquoi aujourd'hui que sans arrêt je lui dis: pas facile avec moi, Easy. Je ne t'ai rien promis. Sois facile avec moi, Easy. Sois facile avec moi, Easy. Je ne t'ai rien promis. Easy, oh, Easy. Take it easy on me, Easy. spécial et en exclusivité, en avant-première sur RIG, le nouveau livre-disque édité par Universal, Country Folk Rock Johnny 72, le remixage 2025. Et je vous rappelle qu'il sortira le vendredi 28 mars 2025. On va retrouver à maintenant Xavier Perrault. Il y a certaines choses, par exemple, que peut-être que des gens vont évoquer ça. J'ai pas mis le duo, par exemple, qu'il fait avec Barbara. J'allais y venir, tu vas expliquer ça. Ouais. Moi, j'ai essayé de retrouver la bande originale qui a servi à l'enregistrement de l'émission de télé, mais je ne l'ai pas retrouvée. J'ai retrouvé des photos, une photo notamment de la séance d'enregistrement où on voit Johnny et Barbara ensemble. Donc, je sais qu'ils ont fait ça dans un studio, certainement un studio dans lequel Barbara était en train de travailler à ce moment-là. Mais on n'a pas retrouvé cet enregistrement. Cette chanson a été reprise lors du show du Top à Johnny en 1972. Et tu veux dire que la version qui a été reprise dans l'intégrale de Barbara, c'est la bande son de l'émission de télévision. Ouais, qui a été synchronisé. Oui, c'est ça. Moi, je cherchais la bande originale, mais en fait, c'est finalement donc cette bande, on ne l'a pas retrouvée, ni à l'époque quand mon collègue travaillait sur l'intégrale de Barbara où elle a été publiée. Moi, je ne l'ai pas fait pour deux raisons. D'une part, parce que financièrement, c'était un gouffre. L'argent qu'on me demandait pour utiliser cet enregistrement était juste indécent, primo. Et deuxièmement, parce que la qualité, voilà, on a les faux applaudissements sur la bande. C'était pas une réussite. Et donc, j'ai préféré passer mon tour. On aurait retrouvé la séance d'enregistrement. On aurait retrouvé l'enregistrement d'origine qui a servi, parce qu'il chante en playback, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, je suis d'accord, tout à fait. Donc, c'est du playback. Donc, ils l'ont enregistré avant, cette chanson-là. C'est ça. Moi, c'était ce que je cherchais. J'ai essayé de la trouver, je ne l'ai pas réussi. Et... mais on aurait retrouvé ça. Moi, je dis, banco, ça vaut le coup qu'on mette la main en porte-monnaie. Mais si c'est pour repartir de la même source qui a été utilisée pour l'intégrale de Barbara, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas. Dans ce Top 72, Johnny, là, tu avais aussi une version alternative de « Apprendre à vivre ensemble ». C'est-à-dire que Johnny et Nanette Workman inversaient leur couplet. Ouais, alors il y avait ça aussi, j'ai cherché. Ils avaient fait aussi ensemble, tous les deux avec Nanette, une émission radio sur Europe 1. Oui. Et ça, j'ai pas retrouvé l'archive non plus. Mais ça m'aurait intéressé. Ça, vraiment, ça m'aurait intéressé. Parce que ça, pour le coup, ça avait du sens. C'est ça. Mais hélas, Europe 1 n'avait pas ces enregistrements-là. Et au même moment, je t'en avais parlé aussi, Johnny Hallyday et Michel Mallory qui faisaient une chanson, ils faisaient Ma main au feu dans une émission de Europe 1. C'était en janvier 73. Est-ce que ce titre-là, Europe 1, t'en as parlé, ou t'allais demander à Europe 1, ou ce sera pour l'album suivant, pour le prochain livre de disque? Alors, très sincèrement, je n'ai pas demandé ce titre-là à Europe 1, parce que moi, c'était plutôt ce que je voulais. C'était plutôt, j'étais très intéressé par rapport au titre qu'ils avaient fait tous les deux avec Nanette. Oui. Parce qu'en plus, c'était des titres rock et tout, enfin voilà, qui illustraient, si tu veux, parfaitement, en fait, la complémentarité. Enfin, ils sont sur la même longueur d'onde, Nanette et lui, musicalement. Donc ça, ça aurait été génial. Ils sont sur la même longueur d'onde avec Michel, mais pour moi, le rôle de Michel est très important, mais il l'est pas encore comme il le sera plus tard. Donc ça va venir plus tard. Donc là, j'étais vraiment, pour moi, c'était plus, si je devais mettre l'accent sur un duo, sur des choses comme ça, c'est plus avec Nanette Workman qu'avec Michel que je l'envisageais, si tu veux, sur cette année 72-là. Oui, parce qu'après, bon, en plus, Nanette, elle disparaît de la carrière et de la vie de Johnny, alors que Michel, on va le retrouver et qu'il y aura d'autres occasions de les entendre chanter ensemble. Dans ce projet, donc tu vas avoir sur le livre 10, tu as un DVD qui est un enregistrement fait chez Michel Mallory, qui se raconte, qui parle de lui, qui parle de son enfance, de sa jeunesse, d'où il vient et comment, évidemment, il a rencontré Johnny et comment il était amené à travailler avec lui. C'est très intéressant. C'est un DVD qui va faire un peu plus de 30 minutes, avec une petite surprise à la fin, vous verrez. Donc on a un produit avec 4 rondelles. Et puis, il va y avoir avec ça des vinyles. 3 vinyles. Il y a un picture vinyle qui est vendu, je le dis parce que le 45 tours qui est sorti, là, il est épuisé. Le picture vinyle, il y a 750 exemplaires sur le site commercial de Johnny. Point barre. Et puis, sinon, tu as un double vinyle, donc Country Folk Rock, et puis le vinyle avec les versions alternatives et les 45 tours. Ce qu'on va proposer au public, c'est que comme cet album Country Folk Rock est composé d'éléments très disparates, comme on l'a expliqué, que on va dire, toute l'ADN de Johnny n'est pas dans cet album parce qu'il doit composer avec d'autres contraintes. Mmh. On va sortir parallèlement à cet album un album simple en vinyle qui va vraiment se concentrer sur les titres américains, les titres de Mallory, les titres américains, Ma main au feu, Dieu la ville et moi, Hello US USA, Mon amour à Marie, voilà, ces chansons-là, et qui seraient en fait que l'album Country Folk Rock aurait pu être sans les contraintes dont on a parlé tout à l'heure, liées à l'avènement de formats de variété, liées à des contraintes répondre aux obligations du métier, qui fait que des titres qui ne sont ni country, ni folk, ni rock ont été publiés sur, dans cet album. C'est une belle initiative. Donc, c'est un album qui va s'appeler, assez logiquement pour nous en tous les cas, Hello USA. Parce que Johnny revient pour la première fois depuis 1963 faire des séances d'enregistrement aux États-Unis. Il a cette nouvelle collaboration avec Michel Mallory, dont on sait que plus tard, cette collaboration les emmènera jusqu'à Nashville. Donc, Hello USA nous semble être une façon de rendre hommage à cet aspect-là de leur travail qui démarre à ce moment-là et qui va les emmener, donc, comme je le disais, à Nashville plus tard. Donc, bienvenue aux États-Unis et à bientôt, parce qu'ils vont y retourner, on le sait, bien quelques années plus tard. À la limite, ça aurait pu être l'album à l'époque où il est sorti, parce que c'est vraiment très, très agréable à écouter. C'est ça. Et on a, évidemment, des titres de country folk rock, mais tu ne vas pas retrouver dessus Comme si je devais mourir demain ou essayer. Voilà. Nous avons des versions alternatives. Oui, bah, on retrouve, bien évidemment, on a mis en valeur dans cet album, notamment les deux titres dont je te parlais tout à l'heure, enregistrés au Morgan Studio avec B.G. Cole à la steel guitare, Joe la ville et moi, donc dans une version inédite, et Ma main au feu dans une autre version inédite. Donc ça s'appelle Hello US USA, voilà. avec une pochette qui est vraiment intéressante, enfin qui correspond complètement à l'esprit alors là du disque et de l'époque. Hein. Alors la pochette, donc photo de Jean-Marie Perrier, faite en 71, donc quand ils étaient au même moment où François Reichenbach les filmait et où ils étaient aux États-Unis, à Los Angeles, pour enregistrer au Wally Eder Studio. Moi, cette version, j'ai l'impression que c'est le disque que je n'ai pas eu quand je l'ai acheté. C'est ça. À ton point de vue. Comme on dit, c'est une très bonne idée qu'ils aient sorti ce format-là. Très heureux, parce qu'on peut, d'une certaine manière, refaire l'histoire, enfin, mais dans le bon sens du terme, après avoir bien réfléchi à ce qu'on était en train de faire, quand même. En gros, vous voulez dire que l'album Country Folk Rock, on peut le mettre de côté et uniquement se focaliser que sur ce vinyle, sur ce disque Hello USA. En quelque sorte. On peut comparer les deux, je trouve ça intéressant. Oui, mais celui-là, il ne sera qu'en vinyle. Il ne sera qu'en vinyle. Il ne sera qu'en vinyle. 2000 exemplaires, dont 500 dédicacés par Michel Mallory. Oh, ah, voilà. 500 dédicacés par Michel Mallory. Donc, c'est vraiment un collector, c'est vraiment un produit qui sera rare. Il y en aura donc 2000 au total. En gros, je crois que c'est 1000 vendus sur le store, dont les 500 dédicacés, et 1000 mis sur les sites marchands habituels, type Amazon ou Fnac. Il faut dire que sur ce disque-là, donc, il y a 11 titres, et sur les 11 titres, il y a 7 versions alternatives. Alors, on peut donner les titres, si tu veux. Oui, bien sûr, on peut. Il y a Hello US USA, il y a Voyez ce que je veux dire, Un parmi les autres, Tomber c'est facile, Ma main au feu, Joe la ville et moi, Vient le soleil, Rien ne vaut cette fille-là, Sauvez-moi, Mon amour à Marie, et Toi tu voles l'amour. Et voilà. Ça sort le 28 mars, avec tout le reste. Et Love Taker, c'est Toi tu voles l'amour. Toi tu voles l'amour, c'est ça, oui. J'ai une version, Nanette Workman l'a enregistré 2-3 ans après, et je conseille à tout le monde de faire un petit tour où il voudra, je ne cite personne, mais pour l'écouter, elle est vachement bien. Enfin, moi, je la trouve vachement bien. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Très sympa. Je la connais, oui. J'essaie de récupérer toutes les versions originales des adaptations de Johnny. Ah, voilà. Celle de Gary White aussi. Et je crois la voir. Oui, je dois la voir. Elle existe. Je dois la voir quelque part. C'est vraiment une bonne chanson. Et tout à l'heure, j'ai cherché la version originale de Rien Nouveau Cette Fille-là. She's my old lady. Ah, oui, she's my old lady, qui est de Donna Crawford, oui, et j'ai pas trouvé un audio. Qu'un comédien qui a fait plus carrière comme acteur de télévision, comédien de télévision, et il a fait ça. Si ça se trouve, je crois. Ça date de 70, et il y a aussi le groupe The Originals qui a repris ce titre-là aussi en 1974. J'ai pas trouvé non plus. Ça, je connais pas. Alors, 72, donc dans ce projet, il y a aussi, puisque c'est le principe des livres disques, c'est de trouver un live, ce qui a été extrêmement compliqué, puisque qu'est-ce qu'on avait comme possibilité? Il y avait l'Olympia qui l'avait fait pour la LICRA, le gala de, contre, la, antisémitisme. Le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Gala où j'étais, je me souviens, je peux te dire que c'était quelque chose. Johnny est rentré sur scène, c'était en mars, il est rentré sur scène vers minuit, je crois. Alors avant, j'ai dû me farcir Rick Azaray, David Alexander Winter, et je ne sais plus qui. Mais enfin bon, je n'ai pas regretté d'avoir attendu parce que la prestation de Johnny avait été magnifique. Donc il y avait ça, mais on avait déjà sorti ce qu'on avait pu sortir parce que la radio qui couvrait cet événement a trouvé malin de s'arrêter à 1h du matin en plein milieu du show. Donc il n'y a pas la suite. Tout ça pour le flash info. Il n'y a pas la fin. Le Johnny Circus, je sais si on a ramé pour trouver des trucs qui tiennent la route et qu'on puisse sortir. Dont le coffret qui paraîtra figurera également beaucoup de concerts de Nouméa, où là aussi c'est pareil. Et pourtant, j'ai réussi à trouver un journaliste qui m'a beaucoup aidé, que je remercie, qui travaille à Nouvelle-Calédonie de la Première, qui avait interviewé à l'époque où Johnny était revenu en Nouvelle-Calédonie pour le Rester Vivant Tour. Il était revenu en Nouvelle-Calédonie, c'était le même producteur qu'il avait rencontré en 72, qui était revenu également, qui le produisait, Roger Dosdane. J'ai trouvé un journaliste qu'il avait interviewé, donc lui est décédé, Roger Dosdane, depuis. Sa veuve, hélas, est malade, et elle a une maladie qui l'empêche de pouvoir discuter avec nous. J'ai discuté avec leur fils, mais qui n'avait aucune information. On a fait des recherches, moi j'ai contacté des gens sur place pour m'aider à chercher. On a cherché, mais hélas, on n'a pas retrouvé la captation d'origine qui a été utilisée pour le concert de Nouméa. On est reparti d'une archive que des fans nous ont passé, d'une archive de ce concert-là, qu'on a essayé de restaurer de notre mieux. C'est pas extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on l'a laissé dans le coffret, mais on a décidé de ne pas la sortir séparément. Elle n'existera que dans le coffret en tant que document. Au moins, on a ce document-là. Je trouvais assez génial qu'on retrouve cet enregistrement. En plus, moi, j'en avais parlé avec Jean-Pierre Rolling-Azoulay, qui m'avait raconté un petit peu toute cette aventure, avec aussi Jean-Marc Deterre, qui était avec les musiciens de Johnny. Il y a beaucoup de photos, justement, de ce passage en 72 à... Oui. On a des photos, nous, on va publier une photo ou deux, je n'ai plus exactement le nombre, que Jean-Marc Deterre a fait là-bas, où on les voit assis comme ça, avec des gens, mais comme s'ils étaient tous ensemble à une espèce de pique-nique, et... Johnny à la guitare, Nanette à la guitare, tout le monde est là, c'est super convivial, extrêmement cool. Et je pense que c'est des bons moments. Et en tous les cas, ceux qui s'en souviennent, qui étaient là-bas à ce moment-là, pour eux, c'est des bons souvenirs. On s'est penché sur l'affaire de la tournée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et tu as fait pas mal de recherches là-dessus. Mmh. Et tu veux un peu nous parler de cette tournée? Oui, c'est d'abord les dates qu'on trouve partout. Là encore, c'est un peu comme pour les enregistrements, étaient fausses. Donc moi, ça m'a évidemment perdu un peu, parce que je voyais Johnny dans les bouquins qui était censé être à Paris. Or, j'avais des photos sous les yeux où il était en train de lire des journaux sur la plage, entouré de vaïnés. Ah non, mais donc il y a deux trucs qui colle pas, quoi. Mm-hmm. Donc, on a fait des recherches, on a appelé, on a remis ça sur ses pattes. Ben oui, c'est une tournée éclair, mais c'est une tournée marrante, c'est une tournée sympa, c'est une tournée à mi-chemin entre le professionnalisme et les vacances. Il est entouré de jolies filles, il y a quelques photos dans sa vie des copains Il y aura aussi des photos marrantes qui vont agrémenter le livre-disque, justement. Aussi. Oui. En tout cas, une. On aura récupéré l'enregistrement, en tout cas. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Vous écoutez en avant-première ce concert restauré, du moins plus ou moins restauré, de ce Nouméa au Rex. C'était le 3 mars 1972. Dans ta ville, je n'ai qu'une chèvre, toi, dans ta gloire. Et je sentis mon bas ventre comme une flamme. Une flamme qui m'a brûlé toute la nuit. Cette belle, je t'ai cherché partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir. une boule, une boule qui m'empêche même de voir. Extrait de ce concert à Nouméa le 3 mars 1972 que vous retrouverez dans ce livre disque qui sortira donc le 28 mars 2025, donc le Johnny 72, le country folk rock. On retrouve messieurs, parlez-nous encore un peu de cette production avec ces fameux trois producteurs. Ce qui est assez intéressant sur cet album aussi, quand tu regardes un petit peu comment il a été fait, c'est que tu n'as pas un producteur, tu n'as pas un directeur musical de l'album, ils sont non. plusieurs. Sur celui-là, non, il n'y en a pas, ouais. C'est assez rare, hein, mm-hmm. parce que. Et là, ils sont trois, et même Jerry Donahue, qui était guitariste de Johnny à l'époque, t'en parles pas mal dans le. Ouais, un beau pédigré aussi, c'était vraiment un bon musicien. Tommy Brown. Tu vas me parler des musiciens Tommy aussi. Tommy Brown et Raymond Donez. Oui. Donc chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ils vont d'ailleurs, et ça c'est intéressant, et je pense que Mallory le raconte dans son interview, ils ont enregistré certains titres en France, dans le studio de Jacques Dangean, oui. Le studio La Fidler, je crois que c'est en Normandie, je crois. C'est ça, oui, c'est en Normandie, oui. Dans des conditions absolument incroyables. Il faisait un poids de canard. Mallory partageait une chambre avec Rolling, qui dormait avec sa guitare. C'était incroyable. Et donc, ils ont dû faire là, Joe La Ville et moi, Ma main au feu, ces titres-là. Puis, quand il a commencé à travailler sur ce projet, c'est pour ça qu'il a pris du retard et qu'on on est passé à 68. Mmh. Les studios américains lui ont envoyé des bandes. Il se dit ah, super, je reçois les bandes studios américains. Et puis quand il a pris les bandes qu'il les a écoutées, elles étaient vierges. Il n'y avait rien dessus. Donc, si tu veux, repartir à zéro. Donc, tu peux te dire que les bandes ont été démétisées aussi. Tu peux te dire qu'on a perdu le contenu des bandes. C'est possible. Mais c'est vraiment. Ces bandes qui se baladent d'un continent à un autre, qui passent d'un producteur à un autre, avec les musiciens qui rajoutent des choses. Puis finalement, on les enlève. Et puis le chanteur qui vient reposer sa voix. Et puis ça repart ailleurs. Je pense que, quand même, in fine, celui qui a quand même verrouillé le truc, c'est Chris Kimsey à Londres. Parce que je pense que toutes les voix de Johnny les a fait à Londres, à l'Olympique Sound Studio, il y a des titres qui ont été faits là-bas, et c'est là que la finalité de l'album a été faite. Et il a dû bosser, parce que ça arrivait d'un peu. Ah oui, oui. Je pense que Jean-François a raison, Kimsey a dû reprendre ça, il a dû dire, bon, alors maintenant on arrête de rigoler et on s'y met. Voilà. Alors, il faut dire aussi que quand Johnny et Mallory se lancent dans ce projet country, la country en France, ça n'intéresse pas grand monde. Qui connaît la country? Donc, ils sont très novateurs avec cette approche. Oui. Et c'est très déroutant pour tout le monde. Il n'y a pas, à l'époque, les émissions de Georges sur la country. Mm-hmm. Elles n'ont pas démarré encore. Je crois qu'il y a démarré en 73. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est un univers qui est totalement étranger au public français. Et qui a évidemment a le don de surprendre un petit peu. Ça, c'est... Mm-hmm. Et il y a une autre chanson qui est un mystère dans cet album, d'une certaine façon, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, dont personne ne se souvient quand ou avec qui, même Eddie, n'a pas de souvenir, il n'y a pas de photo, on n'a aucune photo, rien. C'est une chanson que j'aime bien. En dehors de ça, je trouve que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Mais ça retrace un petit peu vraiment la Johnny Hallyday dans cette période-là, dans cette tempête aussi. Le lion en hiver qui se bat contre les loups, la jeune génération qui arrive, les jeunes loups qui. C'est une sorte de portrait. C'est une sorte de portrait. Les jeunes de la nouvelle génération, des chanteurs à midinette, dont on parlait. Qui arrive, c'est quoi l'actualité musicale de l'époque? Quelques extraits de l'actualité musicale étrangère. Actualité musicale de l'époque. Il y a Vicious de l'album de Lou Reed. Ah oui, là on parle étranger. Là. On parle de... français. Français. Si, t'as raison. Puis il y a Exile on Main Street des Stones. Il y a Exile on Main Street. Il y a des jolies choses. Bon, c'est une année un peu de transition. C'est une année un peu de transition. Mm-hmm. Aussi, je viens de donner un coup de poing dans le micro en m'énervant. C'est une année de transition aussi pour la musique. International, dans la mesure où les 60s, ils sont morts. Puis quand on dit qu'ils sont morts, ils sont vraiment morts. En l'occurrence, dans les 60s, Hendrix, tout ça, tout est mort. Donc on repart sur un nouveau pied, et le pied n'est pas encore très assuré. Il y a Bowie qui commence à monter, il y a Roxy Music, il y a des gens comme ça. Et là aussi, c'est un peu panique à bord aussi. En France, il y a un événement quand même, c'est l'Olympiade Michel Polnareff, qui est quand même qui fait scandale parce que j'ai vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Avec la fameuse affiche scandale. Voilà, mais que j'ai vu à Saint-Seurin-sur-Lille. Ah oui, moi je l'ai vu à l'Olympia. Et il est. C'est un spectacle qui est très ingénieux. Il y a beaucoup de créativité. Les musiciens, c'est le groupe Dynasty Crisis qui l'accompagne. Ils ont des instruments transparents. Enfin, il y a vraiment des idées originales. Et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment le seul mec qui peut. Rivaliser un peu avec Johnny parce qu'il avait vraiment un talent musicalement, c'était fort, mise en scène était géniale. Et Johnny va rejoindre Michel pour la dernière et va faire monter sur scène et faire le bœuf ensemble. Il lui rend un peu la politesse du Palais des Sports. Ça, c'est un moment sympa de l'année 72 de Johnny. Tout n'a pas été rose dans cette année 72, mais ça, c'est un bon moment. C'était un spectacle extraordinaire, hein, l'Olympia de Polnareff 72. Je ne sais pas comment ça a rendu en tournée. Mais, c'était plus modeste, mais c'était bien. Mais l'Olympia, c'était. Musicalement, c'était fort. Son entrée sur scène sur le bal des Laz est un très très grand moment. Ouais. Voici un autre extrait du livre-disque Johnny 72 Country Folk Rock, Un lion en hiver, écrit par Eddie Mitchell et Pierre Papa Diamandis. Vous m'avez pris et rejeté, me couvrant de gloire et d'amitié. Je n'ai jamais douté de moi. Je connais les forces qui sont en moi. Jusqu'au bout de ma vie. En 1972, Country Folk Rock, l'album de June Hallyday, était noyé dans la variété française. Écoutons à présent quels étaient les titres les plus plébiscités dans le hit parade français. Laisse-moi vivre ma vie et redevenir un... Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Est-ce comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. Oh. Et puis, il faut quand même dire un mot sur cette merveilleuse variété française. Ah oui. Laisse les gondons à l'avenir. Autre, je ne sais c'est, plus. C'était en 72 c'est je crois que c'est l'année d'après. Mais enfin, toi, tu ne changes pas, t'es comme le prix des allumettes et autres. Ah, oui. Chef-d'œuvre impérissable. Ah, on avait l'Aventura. L'Aventura, aussi, c'est la vie de Stone et Chardin. Stone et Chardin, c'est Jérôme Kiss Me. Kiss Me. On avait Mike Brandt, c'est ma prière. Frédéric François, laisse-moi vivre ma vie. Il y avait Hot Butter avec Popcorn. Popcorn. Et c'était dur d'exister avec de la country au milieu de tout ça. Mais non, mais il faut aussi montrer comment Johnny est là pour le coup, même s'il fait un peu de variété, mais on était quand même en dessous du niveau de flottaison là. Ah oui, oui. Ouais, parce que là, il est avec les Christian Delagrange, Claude François, Dalida, Frédéric François, Gérald Normand, Julien Clerc, Marcel Amont, hein, aussi encore, Michel Delpech, donc Michel Fugain aussi, Sardou, Paul Naref, Pierre Perret, Patrick Juvet. Je me souviens encore du cri de colère, de la gueulante qu'avait poussé Ferré à propos de Popcorn dans l'émission de Lancelot. Ah oui. Il avait dit, c'est inadmissible, cette merde, il avait gueulé comme ça. Eh bien, j'étais assez d'accord. Et alors, toi, tu as fait un boulot vraiment, donc, tu as travaillé sur les musiciens américains, et il y a quand même quelques sacrées pointures dans le casting de cet album. Oui. Il y a des grandes pointures, la plupart. D'abord, Willie Adair lui-même, le patron du studio, qui a pratiquement enregistré tout ce qui est devenu la musique californienne qui a compté dans les années d'après. Donc, c'est pas rien, qui a travaillé avec Jefferson Airplane, avec Grateful Dead, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis oui, la plupart, certains ont commencé à la télévision d'ailleurs dans les émissions de Teenagers qu'on n'avait pas en France puisque dans les 60s on a été privé en grande partie d'émissions rock à la télé, mais aux États-Unis ça battait son plein et la plupart avaient été musiciens dans des Shinding, toutes ces émissions de référence dont on voit maintenant encore les documents parce que c'est tout ce qui existe quasiment, la plupart du temps sur ces groupes. Et puis oui, donc ils ont inventé le son californien qui va aboutir à Crosby, Stills, Nash & Young, aux Eagles et à tout ça. Tout ça, ça s'est passé à Willie Adair, en grande partie. Donc oui, des pointures. Il y a des musiciens qui avaient bossé avec Joe Cocker et Leon Russell. Enfin, c'était Oui, la fameuse tournée Cocker de Mad Dogs. Mad Dogs de 71, ouais. Le guitariste Don Preston a fait un joli pédigré aussi. Don Preston, qui avait commencé avec Zappa dans les Mothers of Invention. Il y a du beau monde. Hein, Et puis il y avait cette vague d'Américains qui travaillaient en Angleterre, dont Donahue, dont Gary Wright, qui eux avaient attirés par la créativité de la scène anglaise et avaient débarqué à Londres, qui se sont aussi retrouvés chez Johnny. Il a trouvé des Américains. C'est aussi pour ça que Xavier disait, en quelque part, c'est aussi un album américain. C'est-à-dire qu'il va aux États-Unis avec des musiciens américains, mais à Londres, il travaille aussi avec des musiciens américains, exilés. Oui, parce que 71, on partait donc d'anglais. En gros, c'est un album plutôt anglais, hein, plutôt à la façon Rolling Stone. Et là, on part vraiment sur un truc, le rêve américain. Donc, on travaille anglais pour le musiciens. Personnel et américain pour la musique. C'est une espèce de mix de cette époque-là qu'on retrouve chez Led Zepp et tout ça. Chez les Stones, évidemment. Donc, les Stones qui sont chez nous en 72, je rappelle, qui sont sur la Riviera, exilés fiscaux. C'est vrai, c'est vrai. Ils enregistrent leur exil. Ils enregistrent dans les caves. À Nellcote, c'est la maison qu'occupe Keith Richards, c'est ça? C'est ça. Excellent album, justement. Exile on Main Street, très bon, un grand disque. Très bon album, avec beaucoup, beaucoup de grands titres. Mmh. Le dernier grand, à mon avis. Après, il y a de très bonnes choses, mais le dernier monstre. Ben là aussi, c'est ce cure des années 70, enfin, où il y a Sticky Fingers, où il y a Let It Bleed, il y a Exile. Enfin, c'est une espèce de trilogie exceptionnel d'album des Stones et Johnny est dans cette mouvance-là, avec Flagrandelli, avec Insolitude, avec même Country Folk Rock. On est dans une période qui a une énorme créativité, justement, en plus. Oui, fin des années 60, 68-69, depuis 55 et Elvis, ça n'arrête pas. Mmh. De toute façon, les 20 ans, 55-75, quand on regarde, c'est... Si tu veux que je te liste tous les artistes auxquels on peut penser dans cette période aux États-Unis. Mais vas-y, mais tu gênes pas. Stones, Kings, Doors, Hendrix, Dylan, The Band, Joplin, King Crimson, Beatles, je ne l'ai pas déjà dit. On n'arrête pas. Je les connais tous. Mais il y a ce qu'on appelle la British Invasion avec tous ces groupes anglais, Les Who, bien sûr. Et puis, ils ne sont pas manchots non plus dans les années 70, les Bowie qui arrivent. C'est ça, ouais. Lou Reed, que je trouvais magnifique à l'époque. Rock'n'roll, comment ça s'appelle ? C'est pas Rock'n'roll Attitude, il ne faut pas que je me gourre. C'est Rock'n'roll, je ne sais plus quoi, là, en 74, l'album live magique de Lou Reed. Qui est un des plus grands albums de ces années-là. Alors, ce qui est marrant, c'est quand tu vois, quand tu rentres un petit peu dans tous ces albums, la façon dont ils ont été faits, que tu compares avec la façon dont c'est fait enregistré dans les années 80-90, où tu arrives en studio, tout a déjà été maquetté, il y a une base qui existe et tout. Là, par exemple, Mallory t'explique quand ils vont enregistrer Insolitude à Londres, ils n'ont rien. Ils vont tout trouver sur place avec les musiciens, ils ont deux chansons. Il doit y avoir Tu peux partir si tu le veux et La musique que j'aime, le reste tout a été fait tout a été fait sur place. Et là c'est pareil, ils ont eu un problème, je pense, à un moment, c'est qu'ils ont fait ces musiques aux États-Unis et Johnny, il a fallu qu'il mette sa voix quand il va à Londres, et ils n'ont pas de paroles, ils n'ont pas de texte. Il a appelé, je crois, en pleine nuit Ralph Burnett. C'est ce qu'il raconte. Hein, Il a appelé Ralph Burnett. Faut que tu viennes, j'ai besoin de texte. Parce qu'à l'époque, il confie évidemment pas tout à Mallory, il commence tout juste à travailler. Bien sûr. Il fait appel à quelqu'un avec qui il a déjà beaucoup travaillé. Et donc, Ralph Burnett doit débarquer comme pompier pour aller écrire des textes pour cet album. Il raconte qu'il se met dans les toilettes, parce qu'il y a tellement de bruit, tout le monde ne peut pas se concentrer, donc il s'enferme dans les toilettes pour écrire les textes. Ah, ils sont plus d'un à raconter ça, parce que je crois que Long Chris raconte aussi qu'il s'enfermait dans les toilettes. C'est le seul endroit où ils étaient tranquilles. Bah, tu vois, sur l'album, donc, il y a cinq adaptations de Ralph Burnett. Ah oui. Et d'un titre bonus, il y en a aussi deux de Ralph Burnett. C'est son chant du cygne, d'ailleurs. Je pense qu'après, il disparaît à peu près. Hein. Je crois que c'est la fin. Et les paroles, alors, les textes. Qu'en pensez-vous des textes de cet album Country Folk Rock? Je pense que c'est un peu une des peut-être petite faiblesse de l'album. Il a eu de meilleurs textes. Sauvez-moi est un titre formidable, je trouve. Alors là, le texte est parfait, mais sur les adaptations, j'ai trouvé ça bien, mais il y a pas pour moi la grande chanson. Je peux pas étonner qu'il n'y ait pas eu un seul gros tube dans cet album, parce que justement, il a dû travailler dans l'urgence, il n'a pas franchement eu le temps, de réfléchir. Les conditions ont été, et ça manque un petit peu. Parce que Ralph Burnett était connu dans les années 60 pour parler des teenagers. Des adaptations formidables. Les mots des teenagers, leurs problèmes, papa, maman, et tout ça, l'amour. Les jeunes, et j'en passe. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Autre extrait de Johnny Hallyday à Nouméa, au Rex. Le 3 mars 1972, document sonore que vous retrouverez sur le fameux livre-disque, disponible dès le 28 mars chez tous les sites marchands et puis dans tous les, chez les bons disquaires. Voici la loi Johnny Hallyday à Nouméa. Et des bottes rouges et blanches aux pieds. Émission spéciale et en exclusivité, en avant-première, le nouveau livre-disque édité par Universal Music, Country Folk Rock, Johnny 72, le mixage, le nouveau mixage 2025 qui sortira le 28 mars 2025 et cette émission touche bientôt à sa fin. Donc en conclusion à cette émission et sur cet album Country Folk Rock, Xavier. Country Folk Rock est un album disparate qui essaye de trouver son chemin entre les affinités, les goûts personnels d'un artiste comme on le sait, dont l'ADN est profondément tourné vers le rock'n'roll, vers la rhythm and blues. Elle est ancrée là-dedans, justement. Ouais, dans le rock'n'roll, le rhythm and blues, parce qu'il y a aussi beaucoup de rhythm and blues, qui est, je pense, aussi un héritage important que Johnny va assumer. Cet artiste donc des années 60, qui fait face aux années 70, avec de nouveaux artistes qui émergent à ce moment-là, qui apportent une façon d'écrire, de chanter différente, des formats différents. Il y a donc d'un côté cette affinité musicale qu'il essaye de défendre et de l'autre côté les obligations, j'allais dire, de son métier de chanteur et d'interprète qui l'oblige à faire quelques adaptations, de faire quelques compromis, mais dont il a tout à fait conscience, il le fait en connaissance de cause, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Mais c'est un nouveau format quand même musical qui s'impose dans l'univers de la chanson française à ce moment-là et auquel il faut quand même se plier. C'est l'album qui va s'ouvrir vers Insolitude. Insolitude sera beaucoup plus approfondie dans ce sens-là, en quelque sorte, même s'il n'y a qu'un seul morceau de country music, voire deux. Insolitude, là aussi c'est pareil, Insolitude se fait beaucoup plus vite. Et je pense que c'est vachement important. J'ai pas en tête exactement la période sur laquelle s'étend Insolitude. Novembre, décembre 72, janvier 73. Mais ce qui est certain, c'est que là, en l'espace d'un an pratiquement, bien évidemment, tu peux penser que Johnny a dû se poser des questions en disant « Est-ce que je devrais faire ceci ? Est-ce que je devrais faire cela ?» C'est ça. Les gens ont dû lui dire « Peut-être que tu devrais faire attention parce que voilà, les choses évoluent. » Si on prend le cas de son ami Eddie, à ce moment-là, pour Eddie Mitchell, la situation, elle n'est pas facile. Hein. Elle est plutôt basse, oui. Elle est très basse, voilà. Mitchell. Donc, il a tout à fait conscience de ça, je pense, Johnny. Ça ne lui échappe pas. Hein. Mm-hmm. Il n'est pas aveugle. Donc, lui, il sort d'un album qui a très bien marché, mais il sait aussi qu'il remet sa couronne en jeu. Il remet son titre à chaque fois en jeu. Hein. Voilà, et on le sait, il n'a pas envie de le perdre, hein, ça c'est sûr. Donc il faut qu'il compose avec ça. C'est pour ça qu'il se tourne vers Jean-Pierre Lang et Patrick Lemaître, entre autres, hein, pour faire comme si je devais mourir demain. Ouais. En fait, Patrick Lemaître et Jean-Pierre Lang, ils vont écrire pour Gérard Palapra. D'accord, oui. Fais-moi un signe pour la fin du monde. C'est ça. Et ça, c'est les deux gars qui ont ces tubes-là en 72. Ouais. Mais c'est folk. Oui, c'est folk. Mais en fait, Johnny se tourne vers eux à un moment donné parce qu'il se rend compte que ces gars-là ont du succès en espérant que, ensemble, ils arrivent à collaborer et qu'il leur propose une chanson qui puisse être aussi également un tube pour lui. Qui sera comme si je devais mourir demain. Mais cette chanson ne marche pas. Enfin, voilà, cette chanson n'aura pas le succès escompté. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il suffit pas de le vouloir. Un tube, c'est plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas de recette pour faire un tube. Il y a toujours une part d'inconnu et on peut pas se mettre autour d'une table et se dire je vais écrire un tube. Ça ne marche pas. Malgré la volonté de l'interprète, même si Johnny. Malgré toute la bonne volonté de tout le monde, on peut très bien imaginer que Jean-Pierre Lang et Patrick Lemaître, ils étaient ravis de travailler pour Johnny. Bien sûr. Parce que, quand un artiste comme ça vous prend une chanson, ça peut être un tournant dans votre carrière. Exactement. Mais hélas, ça ne sera pas le cas de « Comme si je devais mourir demain », qui restera, qui est un bon titre, mais qui ne sera pas un tube. Voilà. Donc en tout cas, les précos de ce produit ont démarré. La sortie, 14 mars pour le single, 28 mars pour l'Armada, vinyle, livre-disque, etc. Quantité limitée, 4500 exemplaires pour le livre-disque. Autour de 2000, entre 1500 et 2000 pour le vinyle, sauf le picture vinyle 750. Donc, ceux qui sont amateurs de ce genre de produit, il ne faudra pas traîner. Tu as dit que c'était 14 mars ? 14 mars, c'est le single qui sort, et le 28 mars, tout le reste. Je rappelle que c'est l'anniversaire de la sortie du premier Super 45 Tours de Johnny en 60, 14 mars. Oui, exactement, vous exactement, tout à fait. On ne vous rappellera pas les titres, parce que vous les connaissez par cœur. C'est une belle sortie et puis en dehors du travail sur l'album, le Hello US USA vaut vraiment d'être écouté. Alors il faut évidemment être équipé en vinyle. Voilà. Ou sinon, il faut se fabriquer soi-même sa petite compilation à partir du coffret. C'est ce qui est faisable. C'est ce que j'ai fait déjà. Ou alors comme Jean-François qui connaît tout par cœur, il regarde le vinyle et ça lui passe dans la tête. Il n'a pas besoin de passer par une médiation. Mais en plus, il y a des versions, alternatives, donc c'est ça qui rend le produit intéressant, la couleur qu'il aurait dû avoir. Sont vraiment intéressantes, ouais. Les versions alternatives. La voix est parfois étonnante. On peut dire que c'est le démarrage de l'année 2025, avec ce beau projet, et qu'on va se retrouver assez vite pour la suite de nos aventures fin mai. Ainsi s'achève cette émission spéciale Johnny 2 à Z, Johnny 72 Country Folk Rock, qui sortira donc le 28 mars 2025. Merci à tous, merci à vous tous, les auditeurs de Johnny 2 à Z, pour votre écoute et votre fidélité. Je remercie chaleureusement Michel Malnoric, Xavier Perrault, Laurent Guénaud. Je remercie également mes partenaires, mes deux compères pour cette fameuse émission Johnny 1972, Jean-François Brieux et Jean-François Chenu. Merci à vous. Merci à toi d'avoir permis de participer et de parler de ce livre-disque et cette année 72 qu'on a beaucoup aimé. On souhaite bonne chance à ce country folk rock. C'est sa deuxième chance dans la vie. Il ne faut pas qu'il la rate. Et c'est toujours avec grand plaisir que j'ai à vous interviewer, à vous retrouver pour parler de ces fameux livres-disques et autres aussi, parce que Archive Line aussi, oui. Vous y participez également. Oui. C'est un plaisir partagé et on va se retrouver fin mai, début juin, je pense, pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci encore à vous. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. À très bientôt.